Allô? Bonsoir, bonsoir Steven, tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends? J'entends bien. Et toi? Est-ce que tu Génial, m'entends bien? parfait. Pas Oui, trop fort? ça me semble parfait. Là, non, c'est très bien. Je lance ma petite musique D'accord. de départ. Alors, du coup, bienvenue dans ce 21e live de Beauté Imaginée. La semaine dernière, on avait fêté les 200 abonnés et les 20 lives en faisant une interview inversée avec Astrée. Et cette interview a déjà été réécoutée plus de 110 fois. Donc je suis ravie. Du coup, aujourd'hui, on reprend le format typique de Beauté Imaginée sur un nouveau sujet, mais avec un invité que vous avez déjà imaginé. Donc bonsoir Steven, comment ça va? Bonsoir Alice, ça va très bien. Ok, super, t'es prêt à parler soleil? Je suis prêt à parler soleil, ouais, je suis prêt à parler coup de soleil surtout. Ouais, c'est vrai, c'est souvent le problème. Du coup, c'est parti pour l'intro. Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté finalement. Et vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est la force de l'audio. Sachez que 4 Français sur 10 ne se protègent pas assez du soleil. Donc toi, Steven, tu me disais qu'a priori, tu fais partie de ces 4 Français sur 10. Effectivement, oui, totalement. Alors, chers auditeurs, dites-nous, vous, si c'est le cas aussi. Bonsoir, Charo, Prize, Cricri, Leroux, Weiwei. Bonsoir, merci d'avoir accepté ce rendez-vous pour parler de protection solaire. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Moi, ça m'a vraiment intéressé de faire des recherches sur ce sujet, surtout avant de partir en vacances, j'avoue. Donc apparemment, on a même un homme sur cinq qui ne se protège pas du tout et une femme sur six. Donc voilà, D'accord. c'est quand même conséquent. Parce que là, c'est ceux qui ne se protègent pas du tout. Et après, les 4 sur 10. Donc 40%, là c'est ceux qui ne se protègent pas assez ou pas du tout du coup. Alors on a Juliette, est-ce que Juliette se protège assez? Bonjour à Salut tous, Juliette! hâte d'écouter ce live et de partager mes nombreuses connaissances. Ah Salut bien, bien Juliette. Juliette! On doit dire que lors de l'interview inversée, Juliette nous avait piégés en connaissant toutes les réponses du quiz, car en deuxième partie d'émission, on a toujours un quiz pour tester les connaissances. Alors du coup, Juliette, ça ne nous dit pas si tu te protèges assez, mais bon, peut-être que tu nous le diras par la suite. C'est un sujet assez dense, hein, en tout cas. On va essayer de tenir ça en 1h30, on va dire. On va voir si on s'y tient. Du coup, c'est parti pour la première partie. Steven, toi, tu vis à la montagne, c'est ça? Effectivement, ouais. Est-ce À la que tu... montagne, au bas des Alpes. D'accord. Et est-ce que tu as prévu de partir là cet été quelque part ou tu vas rester Avec la en bas des situation Alpes? sanitaire, non, je vais Oui. rester dans le coin, il y a déjà bien à faire. Oui, j'imagine. Et alors, toi, quel est ton rapport au soleil? Est-ce que tu es plutôt sensibilisé au danger ou est-ce que tu fais pas vraiment attention? J'ai envie de dire, ça dépend des fois. On va dire que je fais sensiblement attention quand je ne suis pas emballé dans mon avis de partir précipitamment et donc et d'oublier sagement la crème Oui. solaire sur le buffet. D'accord. mais sinon, non, c'est quelque chose sur lequel je suis assez sensibilisé, comme j'ai une peau très claire. Je Oui, sais que je d'accord. peux prendre des coups de soleil assez violents, surtout au début de saison. Ma peau est totalement blanche de l'hiver. D'accord. En effet, c'est quelque chose que j'essaie de faire plus ou moins Ouais. attention, notamment sur le C'est un visage. sujet. D'accord. Et est-ce que du coup dans ton foyer c'est toi qui achètes la crème solaire? Ça dépend. Bah, devant moi, j'ai une crème solaire qui a été achetée par ma compagne, et sinon, j'en ai Oui. une autre plus petite Que tu as acheté que j'ai toi-même. directement dans mon sac, que j'ai acheté moi, ouais. Parce que figure-toi que j'ai appris que seulement 11% des achats de crème solaire étaient réalisés par les hommes en fait. Donc, ça veut D'accord, dire ok. qu'en termes de marketing et tout ça, c'est vraiment les femmes qui vont être visées. Souvent, elles achètent pour le foyer. Ou... Voilà. Et du D'accord. coup, qu'est-ce que tu utilises là, la petite dont tu parles, la petite protection solaire par exemple? Quelle marque c'est? Alors les deux, c'est de la crème de la marque Avène au thermal, D'accord. avec une protection de 50 plus minimum. Comprends. D'accord, oui, d'accord. C'est vraiment ce que tu recherches, quitte à mettre de la crème, tu veux qu'elle soit bien, bien efficace quoi, en termes de protection. Ouais, qu'elle soit bien efficace et surtout que ça soit quand même de qualité. Qu'on n'ait pas à chaque fois ce genre de petits pâtés blanchâtres qu'on se retrouve après Ah sur la oui. peau. J'aime bien une crème qui soit un peu pas totalement liquide, mais qui soit bien Plutôt assimilée par la peau, fluide. du moins, et, voilà, plutôt Oui, fluide. je vois. Ouais, Voilà, pas d'accord. de gros pâtés, tout ça. Après, je n'ai pas de, comment dire, de restrictions quant à la couleur de la crème ou à sa texture ou autre. C'est juste. Enfin, si la texture qu'elle soit plus ou moins Oui, du fluide. coup, qu'elle soit, ouais, Voilà. qu'elle pénètre bien dans la peau, que ça reste pas, ouais, à la surface. C'est vrai que ça peut être assez dérangeant dans Oui, ces cas-là. oui. Ou alors qu'elle ne sèche pas la peau, comme certaines crèmes le font. Ah, Pour t'as pas avoir déjà eu cette ça? impression. Ouais, enfin, j'ai déjà eu cette impression avec de la crème solaire. Je me souviens plus la marque, c'est Nivea ou autre, mais comme une sensation de peau sèche après un peu sèche. D'accord, Enfin, du moins ouais. pas très agréable au toucher, ou alors totalement l'inverse, des crèmes solaires qui laissent une peau qui impermeable. Je sais pas si le terme est très répandu en France, mais Et t'as dit disons que quoi? Parce ça que ça a colle. coupé pile quand t'as dit le terme. D'accord, qui pègue. Ah non, je connais pas, ça s'écrit comment? Non, je crois que ça s'écrit PE avec un accent GUE. Voilà. D'accord. Non, je connais pas, c'est de quelle langue du coup? Bah, c'est français, mais je l'utilise. Enfin, moi et mes amis, on l'utilise. C'est D'accord. en fait, ça veut dire que c'est, comment dire, que ça colle un peu, que ça donne un effet un peu sale. Enfin, je sais pas, ça pègue, Ah, quoi. d'accord. D'accord. Bon, bah, on apprend un terme. Ouais, je ne sais pas si j'arriverai à l'utiliser. Je vais essayer de le placer à un moment. On a Sidoki qui nous rejoint. Salut Sidoki. Mais le verbe peg dans le sud de la France, ça veut pas dire qui colle? Mais si, Ah, si, c'est ça. Qui colle c'est un peu ça et qui qui un colle. peu qui colle un peu, Poisseux. qui est un peu voilà. Ouais, poisseux, toucher, que c'est pas agréable, quoi. D'accord. Mais oui, apparemment c'est bien dans le wikitionnaire pégé. Ok, De mais du coup, ouais, l'occitan, sud de pégare, la France. coller. Donc Eh apparemment, ben. ouais, en effet, occitan, voilà. On apprend plein de Eh choses, hein. oui, de tous les domaines. Sidoki. Salut! Je pensais que je l'avais dit, mais salut! Salut, Bienvenue. salut. J'adore cette thématique de sujet. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Ah bah génial. Bah merci Sidoki de nous rejoindre. Tu peux peut-être nous dire, toi, si tu fais partie des 4 Français sur 10 qui ne se protègent pas assez par rapport au soleil et si tu te protèges, quel produit tu utilises. Alors, on va parler des rayons du soleil. Du coup, le soleil est nécessaire pour la peau, c'est vrai, pour synthétiser la vitamine D, mais à petite échelle. Steven, est-ce que tu sais combien de temps il faut être à la lumière pour avoir notre dose en fait, de vitamine D journalière? Chers auditeurs, est-ce que vous avez une idée, vous aussi? Alors j'ai su, mais je sais plus. Je sais par Ouais. contre que le soleil fait des dégâts sur la peau à partir de 60 secondes. Enfin, c'est très rapide. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, j'avais pas cette info en tête. Au bout d'une minute déjà d'exposition, j'imagine à un indice assez élevé, à un indice d'UV assez élevé, il y a déjà une action, quoi. Ah Oui, ouais, ça effectivement. veut tout dire. Eh bien, figurez-vous, ah, on a Cricri qui intervient. Alors, je vais écouter Bonsoir d'abord à sa tous. réponse. Bah, je suis très Bonsoir, contente Cricri. aussi de partager sur ce sujet. Je me suis toujours plutôt beaucoup protégée, en tout cas depuis que j'ai l'âge de raison dans ce domaine. D'accord. À quel âge on a l'âge de raison dans ce Oui, c'est domaine? ça. C'est ça. Je pense que c'est 20 minutes par jour. Oh, bien joué, c'est exactement ça. Waouh! Au bout de 20 minutes déjà, en une journée, on a la vitamine D nécessaire. Est-ce que Sidoki avait Et trouvé? du coup, pour répondre à la question, moi je ne fais pas partie de ces personnes, je pense, qui ne se protègent pas assez. Au contraire, je prône la protection solaire Ah. absolue, clairement. Et en Ouais. plus, je me bats pour le coup dans ma communauté, parce que je suis noire. pour que les personnes Ouais. noires mettent enfin de la protection solaire et pour Ah aussi oui. déconstruire le fait que ben, on est noir mais on doit se protéger Ouais, et on a bien besoin vu. parce que beaucoup de gens se fourvoient à ce niveau-là en pensant qu'on ben, comme on est noir ouh, on craint pas le soleil mais pas du tout c'est totalement faux. Oui, tout à fait. On va en parler juste après par rapport aux phototypes. En fait, même les peaux bronzées qui ne prennent pas vraiment de coups de soleil sont sujettes quand même à certains rayons UV et qui sont du coup cancérigènes. Alors du coup, voilà, l'été, quand on part à la plage, etc., et qu'on s'expose, le soleil peut être dangereux, là, on l'a dit. Est-ce que tu connais justement ces différents UV, les différents UV ou rayons plutôt du soleil, Steven? Non, pas du tout. Pas du tout. T'as peut-être déjà entendu parler UVA. Non, je pensais que Ah, c'est t'allais vrai? plutôt ouais, me parler de d'ultraviolet ou de choses comme ça, Oui, mais tout à fait. C'est l'abréviation d'ultraviolet, hein, pardon. Mais souvent, on dit D'accord. UV. Mais oui, tout à fait. Ultraviolet A Ok. et ultraviolet Alors, B. Mais t'avais pas entendu oui. UVA, UVB comme ça? Bah en fait, je suis en train de lire ce qui a marqué derrière ma crème solaire et en effet, il y a marqué UVB Oui. et UVA. Voilà, c'est ça. On a Tout une est lié. intervention de Juliette. J'ai une Rebonjour question Juliette. du coup, quand on a la peau mate ou noire, est-ce qu'on peut choper des coups de soleil? Tout à fait, on va en parler juste après. Oui, tout à fait. Et si de qui? Moi, je dirais les UVA et les UVB. Bien joué. Et on a aussi les infrarouges. Alors du coup, les UVB déjà, ce sont les plus connus en fait, c'est eux qui donnent les coups de soleil. Et quand on a un SPF, je ne sais pas si ça, ce terme-là, il te parle, FPS, SPF ou indice de C'est marqué protection, sur ma crème Steven. solaire aussi. Oui, c'est ton anti-sèche. Donc ça, c'est tout ce qui est indice. En général, c'est 15, 30, 50. Donc tout ça, c'est par rapport justement, c'est la protection par rapport aux UVB. Parce que c'est eux qui provoquent surtout les coups de soleil. Mais ils peuvent aussi être la cause de problèmes plus graves, donc de cancer de la peau. Et il y a aussi les UVA du coup. Là, leur longueur d'onde va être un peu plus longue. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir pénétrer plus profondément dans la peau. Et figurez-vous que 95% des UV qu'on reçoit sont des UVA apparemment. Donc, c'est assez récent, enfin, ça fait quand même pas mal d'années, mais jadis, on n'avait pas vraiment conscience que les UVA étaient nocifs aussi, et ils le sont, ils sont responsables de lésions au niveau des cellules, ils génèrent la formation de radicaux libres. Donc, pour rappel, le radical libre, c'est une molécule instable qui va chercher d'autres molécules dans notre peau pour s'y accrocher en formant une liaison chimique, et du coup, ils sacrifient de ce fait une cellule qui pourrait nous être utile. Et ça va causer le vieillissement cutané. Donc, quand on entend radicaux libres, c'est sous-entendu vieillissement cutané, quoi. C'est pas cool pour la peau et on cherche des antioxydants pour empêcher ces radicaux libres. Et donc, parallèlement, en déréglant la production des cellules, les UVA peuvent causer eux aussi des cancers de la peau, c'est-à-dire des bugs finalement de la production d'ADN. Et pour ce qui est des infrarouges, là, ce sont eux qui donnent l'effet de chaleur du rayonnement solaire. Ils semblent avoir, quand on a une forte exposition au soleil, un effet oxydant. Ça veut dire qu'ils génèrent aussi des radicaux libres. Donc, du coup, quand on s'expose finalement au soleil, notre peau est là pour protéger nos organes de ces rayons et la peau suit un mécanisme de défense. C'est là le bronzage. Elle s'adapte en fait à son environnement. Il y a deux actions. Ça, je ne sais pas si tu en avais conscience. Il y a l'épaississement de la peau et le changement de couleur qu'on connaît mieux. Tu le savais, D'accord. ça, qu'il y avait un Pas du tout, épaississement non. de ta peau quand tu t'exposes, parce que ta peau veut éviter que les rayons A, justement, qui sont plus longs, atteignent les profondeurs de l'épiderme et même du derme, etc. Et du coup, c'est D'accord, pour ok. ça qu'elle va avoir tendance à s'épaissir, à créer plus de petites couches dans l'épiderme. Je vois Ah. qu'on a Sidoki qui Mais du coup. intervient. Est-ce que ce n'est pas hyper traître quand justement quand on est dans un temps type montagneux ou couvert et qu'au final on se chope des coups de soleil ou en tout cas on bronze, etc. Alors qu'on ne ressent pas justement ces infrarouges, on ne ressent pas la chaleur. Donc ça veut dire qu'il y a des gros taux de UVB, mais peu d'infrarouges. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris la leçon. Alors, En tout cas, ce en tout que je cas, il peux y a dire, c'est que 80. c'est. Ouais. Juste que c'est très, enfin, c'est vrai, c'est très insidieux d'être en montagne et de se dire oh, c'est bon, pas Ah besoin de oui. mettre de crème solaire. D'autant plus que il se peut qu'il y ait plein de nuages et on se dit bon, on n'est pas trop exposé non plus, on marche pas Oui. mal en forêt. Et au final, on se Ah retrouve quand même ouais. avec un coup de soleil sur les pommettes ou au niveau du cou à la fin de journée ou alors sur les mollets. C'est très désagréable d'avoir le short qui frotte sur les mollets après un coup de soleil. Ah oui, j'imagine. Oui. Ah oui, puis en randonnée, du coup, oui, c'est typique, quoi. Oui. En tout cas, c'est sûr que alors, quand tu te rends compte après que tu as eu un coup de soleil, c'est finalement les UVB qui ont fait leur travail, entre guillemets. Par contre, ce qui est insidieux, c'est que les UVA, ils passent même les vitres. Et du coup, oui, on D'accord. n'a pas forcément de coup de soleil et on peut ne pas vraiment se rendre compte qu'il y a eu, enfin, que notre peau a été abîmée. C'est pour ça que c'est vraiment important de se protéger, du coup, parce que c'est, il n'y a pas que les coups de soleil qui sont un indice du fait que notre peau, elle n'a pas supporté, quoi. Les UVA, c'est plus insidieux. En effet, il n'y a pas l'effet brûlure. Donc oui, comme tu dis, Sidoki, du coup, en montagne, s'il fait, enfin, je ne sais pas si, voilà, si c'est un peu nuageux ou que... On a une impression, on est sous une vitre par exemple de restaurant ou quoi, on peut avoir l'impression qu'on est tranquille, mais l'UVA passe. Et Okay. D'accord. ouais. Et du coup, en fait, l'autre action du bronzage qu'on connaît en général mieux et qu'on recherche dans notre société, c'est le changement de couleur. Parce que donc, le principe, c'est que les mélanocytes qui sont en profondeur de l'épiderme vont sécréter de la mélanine. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme. Oui. Donc voilà, c'est une substance plus ou moins foncée et qui va permettre d'absorber les rayons UVB. C'est la deuxième protection de la peau. Une fois qu'elle envoie plein de mélanine dans ses différentes couches, et bah, ça va capter une partie des rayons UVB. Donc c'est en ça que les peaux plus foncées vont être mieux protégées par rapport aux UVB. Mais voilà, encore une fois, les UVA, là c'est autre chose. Et en fait, on peut dire qu'un joli bronzage, finalement, ça se constitue dans la durée parce qu'il faut que les mélanocytes continuent de créer cette mélanine plus foncée chaque jour et sans brûler, parce que sachez que quand on bronze au point de peler, que la peau pèle, le renouvellement cellulaire est accéléré d'un coup pour renouveler en fait toutes les cellules qui ont été brûlées. Et donc, toutes les mélanines, les grains de mélanine qui avaient été péniblement créés vont être plus vite évacués. Donc c'est dommage. C'est plutôt contre-productif si on veut un joli bronzage en fait. D'accord. Ok. Toi, est-ce que quand tu vas par exemple à la plage, tu essayes de, comme tu as une peau assez claire et tout, de bronzer ou tu préfères éviter pour pas attraper de coups de soleil? Je préfère éviter. Je mets quand je vais à la plage, ou du moins je sais que je vais être à une exposition prolongée et que je n'ai pas oublié ma crème solaire. Je Ouais. sais que j'en applique massivement. D'accord. Et j'évite à tout prix d'avoir un coup de soleil quelque part, Oui, ouais, c'est notamment sur le le visage et but le nez. ultime. Voilà. Ouais, d'accord. C'est vrai que quand on va à la plage, souvent là, on associe crème solaire et tout ça, alors que finalement, juste en se baladant, comme tu l'évoquais en rando et tout ça, ça peut aussi, enfin, c'est aussi important finalement. Et ça, on le fait moins du coup. Et c'est ça, et même une dermatologue où j'avais eu un rendez-vous, elle m'avait conseillé de mettre de la crème solaire avant chaque sortie. Ah Même ouais. à, on m'a dit 50, mais rapidement, au moins sur le visage et les avant-bras, pour se protéger de ces... Parce que justement, il me semble que c'est elle qui m'avait donné l'anecdote comme quoi le soleil pouvait commencer à faire des dégâts rapidement sur la peau. D'accord. Ah oui. Mais je ne suis pas à cette... À cet extrême-là, enfin, j'arrive pas à m'y mettre, du Oui. moins. Oui, je vois. Oui, c'est sûr que c'est assez lourd si tout l'été, voire même le printemps, on doit appliquer vraiment de la crème D. Enfin, chaque Voilà. matin, c'est sûr que c'est assez lourd dans la routine beauté. Alors maintenant, les populations asiatiques le font mieux que nous. Mais j'ai lu aussi que ce n'était pas forcément idéal d'avoir toute l'année une protection solaire parce que, il faut quand même que la peau soit un peu stimulée par rapport à ça. Mais l'été, quand on est surtout sur les horaires assez chauds avec un indice UV élevé, là par contre c'est autre chose, il faut vraiment Oui, tout à fait. se protéger du coup. Puis je pense Alors aussi on que ça a. Ouais. dépend des peaux de chacun, comme la mienne, j'ai une rosacée sur le nez, du coup on m'a conseillé quand même Ouais. de faire plus attention à cet endroit-là. D'accord, donc c'est-à-dire justement, dès que tu sors, il faut absolument que tu mettes particulièrement de la crème sur la rosacée. Il faudrait que je mette Ouais. de la crème sur la rosacée pour éviter un échauffement au niveau de cet endroit. D'accord, parce que c'est déjà une zone qui est fragilisée. Et, C'est enfin, on t'a ça. En expliqué fait, un la peu ou... rosacée, de ce que j'ai compris, c'est juste des petits vaisseaux sanguins qui sont un peu plus dilatés à certains endroits que d'autres, qui donnent cet effet un peu rougeâtre sur la peau. C'est un problème qui touche pas grand monde, hein. On parle de 2 ou 3% des adultes. Donc voilà, et la plupart du D'accord. temps, c'est avec un facteur génétique. Donc ma mère, elle l'a au même Ok. endroit. Ma D'accord. grand-mère l'a aussi au même endroit. C'est Donc l'indice familial. voilà, D'accord. c'est ça. Généralement, ça passe pas. C'est quelque chose que tu as à vie. Et il faut juste D'accord. s'en prémunir pour éviter de passer certains stades. Parce que bon, ça peut un peu empirer avec le temps. Et ça devient moins esthétique en fait. Moi, dans mon cas, c'est Ah. très léger. Donc parfois, j'y pense même plus. Et c'est à ces moments-là que je regrette. Je me dis, mince, j'aurais dû y penser. Ah oui, je vois, d'accord. Parce qu'elle pourrait devenir un peu plus rouge en fait, Elle en pourrait cas devenir un de peu plus rouge. Ça peut surexposition. devenir. Effectivement, ça peut devenir douloureux aussi. Et il peut y avoir des traitements Ah derrière qui sont oui. assez forts à base de cortisone. Et je Ah n'ai pas du d'accord. tout envie, et même d'antibiotiques, mais je n'ai pas compris le lien avec l'antibiotique pour ce coin-là de la peau. Ah. Donc, d'autant plus que ça attaque. La crème à utiliser, elle est pas agréable à appliquer. Donc, D'accord, bref, oui, donc vaut mieux autant s'en prémunir, quoi. mieux vaut prévenir, ouais. Voilà. D'accord. Alors, Sidoki, merci de ta participation, Sidoki. Ah mais pour le coup, combien de fois ça m'est arrivé de me balader avec des amis en vélo, machin, et ah non mais ça sert à rien, on va faire une balade, etc. Ou même on va dehors alors que juste tu le vois, tu meurs de chaud chez toi, tu sais que ça tape, que mais à partir du moment où t'es dehors, t'as pas de protection, tu mets de la crème, ne serait-ce que sur les épaules. L'année dernière c'était en quad, enfin voilà, et puis les gens ils se retrouvent cramés, ils savent plus mettre leur dos contre un siège, ils passent leur vie à la biafine, enfin voilà. Pour ressembler à des homards grillés. Non, moi je ne suis pas dans ça. Désolée. Je tire ma peau. C'est Ouais, clair. t'as bien raison. Ouais. Et oui, c'est le piège quand on se dit, allez, si je vais me dorer la pilule au soleil à 14 h sur la plage, là, allez, pourquoi pas mettre de la crème? Et dès qu'on fait une activité annexe, mais aux mêmes horaires, on se dit, ah oh, bah là, c'est bon, comme tu dis. Un autre commentaire. Un truc aussi qui me heurte à chaque fois, c'est de voir des gens faire la. Comment on dit? Enfin, l'étoile de mer, mais en gros, ils passent leur après-midi. Je me rappellerai toujours, il y avait une dame, elle Le était assez claire lézard. de peau à la fin de la journée, elle avait ma couleur, je pense, mais vous savez, cette couleur vraiment du cramage, pas Ah le oui. beau marron, enfin, pas le teint hallé, le teint cramé par le soleil, quoi, parce qu'on voyait que Oui. c'était pas la première fois, mais j'avais de la peine pour sa peau, parce que je me dis, dans 5 ans, C'est pas dans anodin. quoi elle va ressembler, et puis. Puis tout ça pour quelque chose d'assez éphémère. Enfin, c'est vrai que c'est assez. Moi, ça me dérange assez, quoi. Au-delà des Ouais. effets sur la peau au court terme, donc on parle bien de coups de soleil, il peut aussi y avoir des effets sur la santé à l'instant T, comme des malaises, Ah des oui, c'est troubles vrai. digestifs aussi. Enfin, tomber malade à Ah, cause d'un coup de d'accord. chaleur. Oui. Et ça arrive bien plus qu'on ne le croit. Par exemple, une personne qui s'endort parce qu'elle se sent bien à la sieste, etc. Et à la fin de journée, ça se retrouve à l'hôpital avec une brûlure au second Ah degré ou des choses ouais. comme ça. Voilà, Ah c'est une ouais. expérience que mon père m'a racontée. Ça lui est arrivé, il s'endormait D'accord. au soleil. Ah Et là le là. soir, bon, bah, voilà quoi, compliqué. Et puis la seule chose à faire, c'est attendre que ça passe avec quelques médicaments Ouais. et puis calmer les brûlures, Hyper quoi. désagréable. Ouais. Bah, ça peut ruiner tes vacances, littéralement. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. L'insolation, finalement. Pour au C'est départ ça, avoir ouais. voulu, comme disait Sidoki, juste un effet un peu mode éphémère. C'est vrai que c'est ballot. De toute façon, c'est souvent ça. Il y a des choses comme ça dans notre société où tu dis, mais c'est juste pour l'apparence, tu vas faire quelque chose qui finalement est dangereux pour toi. C'est un peu absurde, mais. On en est là, on Oui. aime bien avoir cet effet retour de vacances. Et puis, je sais que moi, la première, là, je pars en fin de semaine, je vais être contente de gagner un petit bronzage. Mais oui, il y a un côté absurde, quoi. On a Ouais. Cécile aussi qui intervient. Salut, Cécile! Moi, mon expérience soleil, c'est plus effectivement comme j'ai une peau très très blanche, de mettre de la crème tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on en met efficacement, ça marche très très bien. Moi, cet été, j'ai pris aucun coup de soleil alors que je suis partie Bravo. 2 semaines plein soleil. Et par contre, effectivement, il faut savoir si on a une peau très blanche, par exemple, qu'on prend des coups de soleil très vite, que l'indice 50, ça veut dire qu'on prendra 50 fois moins vite de coups de soleil que si on n'avait pas mis de crème. Donc moi qui prends un coup de soleil en 2 minutes, ben, il va me falloir 2 fois 50 minutes pour ne pour que la crème solaire soit efficace à ne pas prendre de coups de soleil. Voilà. Tout Et à du fait, coup, si Cécile, tu... tu... Ouais. Pardon, Oui? je te coupe. J'allais juste rebondir, dire merci Cécile pour ton commentaire. Et tout à fait, souvent, on peut croire que un indice 50, ça veut dire qu'on va être super protégé à l'instant T. Mais en fait, c'est juste la durée de protection qui change. Donc, de toute façon, on n'est pas invincible avec une crème 50, quoi. Oui, Steven? Alors du coup, je rebondis sur ce que tu as rebondi. De par ma question, du coup, est-ce que l'indice de 50 est un indicateur pour savoir combien de temps la crème va être efficace et quand est-ce que tu dois en remettre? Parce que c'est une question, moi qui Ouais. me turlupine à chaque fois, je me dis, je vais mettre de la crème, ça fait 3 heures tranquille, elle est encore active, alors que Ah, je peut-être pas vois. du tout et Non. ça fait 20 En minutes que je suis plus effet. protégé. Alors, du coup, là, j'allais d'abord parler des phototypes un petit peu et juste après, j'allais parler de ça. Est-ce que tu voulais redire un truc juste avant? C'est un peu compliqué. Non, Comme. vas-y, Bon. je t'en prie. Alors, il y a Sidoki qui. Bon, je quand même priorité. Aux auditeurs et à leurs commentaires. Et Bien après, je sûr. vais présenter les 6 phototypes. Et sur Instagram, vous pouvez aller déjà les regarder pour nous dire à quel phototype vous correspondez. Ah oui, ou l'insolation. L'insolation, quand je vois l'état des Ah, gens, voilà. enfin, on m'a déjà raconté, tu vomis, tu t'es au bout de ta vie, donc Ouais, c'est vrai. c'est horrible. T'as la tête qui te... Enfin, ça te fait des effets absolument horribles, quoi. J'aimerais tellement pas. Ouais, totalement. Ouais, hyper désagréable. Et tu te dis à quoi bon, c'est clair. Du coup, Ouais, pour c'est les clair. phototypes, donc là, dans nos auditrices qui ont commenté, j'imagine que du coup, Sidoki, tu serais peut-être un phototype 5 ou 6, tu vas nous dire. Et Cécile, a priori, tu serais peut-être un phototype 1 ou 2, vous pouvez peut-être nous préciser. Du coup, le phototype, c'est la capacité de la peau à tolérer les rayons du soleil. Et il en existe 6 selon notre couleur de peau, la présence éventuellement de taches de rousseur, etc. Donc, est-ce que toi, Steven, tu connais ça? Tu sais à peu près auquel tu corresponds? Alors, je connaissais pas, je cherche à savoir à peu près à quoi je correspond. Il s'avère que j'ai cheveux bruns avec des yeux Ouais. bleu-gris. Et du coup, les yeux, enfin, D'accord. quelle est la correspondance entre la couleur des yeux et le phototype? Est-ce que c'est un Bah, je indicateur sais pas si génétique ou... tu as sous les yeux le petit dessin que j'ai fait. Parce que oui, y a en effet en général une corrélation. Du coup, dans ce cas-là, tu serais peut-être phototype 2 de par tes yeux, s'ils sont clairs, alors que ta peau est claire aussi. Donc, et les cheveux peuvent être blonds à châtain. Donc là, tu es châtain ou brun? Enfin, châtain brun, ça dépend un peu de la lumière. On compte les cheveux blancs Bon, déjà ou pas? comment? On compte les cheveux blancs déjà ou pas? Non, je crois pas. C'est vraiment la couleur pure. Mais du coup, en fait, ce qui compte avant tout, c'est la couleur de la peau. Là, c'est des indications, tu vois, pour que les gens Ouais, bien sûr. arrivent à se Non, j'ai une... positionner. Mais Ouais. de toute façon, même si on a les cheveux très très foncés, c'est avant tout la couleur de la peau qui compte. Donc dans ce cas-là, a priori, tu serais deux. Vu que tu Oui, c'est t'as ça. des taches de rousseur ou pas? Non, pas que je sache, même au soleil, ça apparaît pas trop. Ouais, Du coup, d'accord. contrairement à ma compagne, où les taches de rousseur, elles apparaissent direct au soleil. Ah ouais. Elles Ah ressortent oui. beaucoup et elle a la peau très blanche et cheveux blonds, donc Ah, d'accord. Donc ouais. ça serait phototype 1 et les yeux aussi clairs. Bon, mais Non, là elle a encore une les fois, yeux, c'est oui, pas ce les qui yeux clairs, compte. mais elle est brune, enfin les yeux bruns, donc D'accord. Mais s'il y a des taches de rousseur systématiques, et est-ce qu'elle arrive à bronzer ou est-ce qu'elle prend des coups de Ah, elle soleil brûle. systématiquement? Ah ouais, Elle elle peut brûle. pas passer par le bronzage directement. Il faut passer par le coup de Non. soleil pour bronzer. Ouais, et puis même après un coup de soleil, le bronzage, il est quand même difficilement perceptible. Elle peut réussir à bronzer, mais ça reste compliqué quand même. Ouais, d'accord. Ah, mais du coup, oui, entre 1 et 2, et toi, tu serais peut-être 2, un petit peu plus facile pour toi de bronzer dans ces cas-là. Alors, est-ce Oui, que nos non, c'est vrai, auditeurs ça marche. ont réussi à se positionner? Donc, Cécile. Effectivement, moi je suis phototype 1, peut-être 2, mais pas sûr. C'est pour te rassurer, Cécile. Te connaissant, j'avoue que je j'irais plutôt vers du 1, Cécile. Hein. Il faut appeler un chat un chat. On a Juliette ensuite. Je pense que je suis phototype entre 2 et 3, parce que je suis châtain, aux yeux marrons. Et si je mets la crème, je prends pas de coup de soleil. Je pense que t'es 3 D'accord. du coup, Juliette. Mais c'est ça. Ouais. Sidoki. Alors effectivement, moi je suis un phototype 5, parce que Ouais. je suis noire, mais je ne suis pas ébène de peau, donc je suis Ouais. le type qui bronze facilement. Donc Ah ouais. c'est pour ça que je ne suis pas le phototype, pardon, 6, je suis 5. Voilà. Et mes yeux sont marrons, pas très foncés, enfin, ils sont foncés, mais voilà, c'est pour ça. Oui, tu peux bronzer en D'accord. fait au soleil. Ta peau va changer alors que peut-être que le phototype 6 n'aura pas de changement du coup. Je me rends pas compte. Comme tu dis, couleur ébène, est-ce qu'il y a quand même une petite variation au soleil? Je n'ai pas fait attention. On a Cricri aussi. Je pense être phototype 3 parce que j'ai une peau oui, plutôt claire, mais je bronze sans coup de soleil. C'est vrai que je mets aussi de la crème. Ah oui, du coup, D'accord. ça peut un peu tromper. Mais en tout cas, les phototypes 1, par exemple, ils ne bronzent pas, j'ai l'impression, même ils sont. Enfin, même en mettant de la crème, pour changer de couleur, ils vont passer par l'étape un peu rouge. Donc c'est là que Ouais, c'est c'est vraiment ça, hein. problématique. Tout à fait. Cécile. Oui, pour te répondre, 2, c'est pour me rassurer. Moi, en tant que très blonde et très blanche, il n'y a pas tellement de doute pour le 1. Ouais. Ouais. Il faut de tout, c'est bien aussi. Hein. Sophie? Moi, je dirais phototype 3. Mais après, je ne sais pas si on peut changer au cours du temps. D'avoir une peau plus ou moins sensible au fur et à mesure au soleil, par exemple. Je sais que quand j'étais jeune, je prenais très peu de coups de soleil et maintenant j'en prends beaucoup plus, alors que j'étais plus exposée au soleil jeune. Mais bon. Mais oui, je pense que c'est plutôt le type 3, moi. Ouais, c'est une bonne Oui, question. mais est-ce que Sophie, comme tu étais plus exposée, est-ce que tu n'avais pas toute l'année assez d'exposition? Si tu peux nous dire où tu habitais, par Oui, exemple, ça effectivement. pourrait nous donner un indice, parce que s'il y avait toute l'année de l'exposition, ta peau était toute l'année épaissie grâce aux UVA qui la rendaient donc épaissie, et un peu, il y avait plus de mélanine un peu plus foncée pour te protéger des UVB. Donc c'est peut-être pour ça, alors que si tu es là, par exemple, en région parisienne comme moi, bah forcément, il y a toute une partie de l'année où là, la peau redevient vraiment fine et sans mélanine foncée. C'est peut-être la piste. Et c'est de qui? Ouais, c'est à peu près ça. Quelqu'un qui est en général ébène, alors bien sûr, je pense qu'ils peuvent bronzer, mais c'est entre guillemets, t'es tellement foncé que t'es au maximum de ton capital soleil. Alors que moi, je suis Ah oui. 3 minutes chrono dehors, clairement, il y a un rayon de soleil, je bronze tout de suite. Donc moi, je Ah suis ouais. capable de devenir ébène au soleil. Et Ah souvent, on oui. me confond pour une personne qui peut être issue d'un parent blanc et noir, issue du métissage, parce que je suis finalement claire. L'hiver, je suis très claire. D'accord. Donc c'est pour ça que Ah. je suis un 5, voilà. Très 5. Ouais, Ok. et du coup, oui, c'est d'autant plus important de. Enfin, on l'a dit en fait, qu'on soit phototype 1 ou 6, de toute façon, il faut se protéger par rapport au rayon Oui, A. tout à Mais fait. du coup, si toi, tu bronzes très très vite, en fait, c'est ton mécanisme de peau, de protection qui est hyper au point en fait. C'est les peaux qui sont les plus résistantes au soleil. Donc, ouais, je vois. Et Sophie? Ah oui, effectivement, c'est peut-être ça. Bah moi, j'ai vécu 19 ans à La Réunion. Et c'est vrai qu'à La Réunion, j'avais une peau Ah. plutôt bronzée et je ne prenais pas des coups de soleil tout le temps alors qu'on est quand même bien, bien ensoleillé. Et par contre, maintenant que ça fait quelques années que je suis en région parisienne, dès que je rentre à La Réunion, bah je suis rouge et remplie de coups de soleil, quoi. Ah, D'accord, comme d'accord. quoi? T'imagines, tu passes toute ta jeunesse à La Réunion, tu te dis, bah c'est bon, moi je suis quelqu'un qui bronze super bien et tout. Et en fait, un petit passage dans le froid. Et Ouais, là, c'est ouais, ça. tu perds ta protection. Ça va, Sophie, le moral, parce que c'est vrai que de l'extérieur, quand on entend Réunion puis région parisienne, on se dit, ah, pas Le facile. contraste est quand même assez marqué, Ouais, ouais. c'est ça. En plus, avec la peau qui devient rouge. Ouais, là, le mauvais temps et tout, bof. Voilà. Alors du coup, on passe à la question suivante, les produits solaires. Donc, un produit solaire n'empêche pas, on l'a dit, de prendre un coup de... Non, on ne l'a pas dit ça, pardon. Enfin, Cécile l'a un peu évoqué. Le produit solaire n'empêche pas de prendre un coup de soleil. Finalement, il retarde l'arrivée du coup de soleil. Si, c'est ce que Cécile évoquait tout à l'heure. Donc, est-ce que tu sais, Steven, du coup, quel est le calcul derrière le FPS ou SPF d'un produit solaire? Alors, ben, Cécile, c'est ça, m'a Oui. donné une petite indication, Ouais. mais tout ce que je constate, c'est que ça ne semble pas marqué sur la crème solaire. Il y a juste marqué qu'il faut Oui, c'est vrai. appliquer ça fréquemment et ne pas rester trop Oui. longtemps au soleil. D'accord. Voilà. Donc ça donne pas trop d'indications, quoi. C'est vrai, tu as raison. Alors qu'aujourd'hui, les marques sont vraiment dans une optique d'éducation des consommateurs parce que, y a beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup de polémiques, etc. Donc, avant tout, elles ont pour objectif de nous habituer à ce rituel de la protection solaire. Du coup, le SPF, c'est comme le disait Cécile, le rapport entre le temps pour que la peau rougisse avec produit solaire et le temps pour que la peau rougisse sans produit solaire. Donc, un FPS 50, comme elle a dit tout à l'heure comme exemple, ça veut dire que la peau mettra 50 fois plus longtemps à brûler avec la crème que sans la crème. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pour tout ce qui est haute protection comme ça, 30 ou 50, finalement, il n'y a pas, enfin, pendant 5 minutes, si on s'est appliqué uniformément la crème 30 et la crème 50, on va avoir quasiment la même protection pendant les 15 minutes. Ce qui va changer, c'est vraiment la durée pendant laquelle on est protégé. Tu vois, ça, on ne l'a pas forcément en tête parce que là, tu me demandais est-ce que je suis tranquille 3 heures et tout. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là. Mais souvent, on peut se dire, bah, du 50, je suis plus protégée que du 30, par exemple. Non, oui, bien sûr. Et il D'accord. vaut mieux, en fait, mettre du 30 et qu'on aime bien, tu vois, qu'il y a une texture fluide et tout, et le réappliquer très régulièrement que du 50 juste le matin en se disant, ah ben, bah, je suis tranquille. Et en fait, du coup, pour répondre à ta question tout à l'heure, toutes les 2 heures, de toute façon, il faut remettre. Réappliquer la crème solaire quand on s'expose et même quand on ne D'accord, ok. s'expose pas. Pourquoi? Parce que selon les filtres, ça c'est le thème juste après, tout ce qui est filtre UV, certains filtres en fait vont mal évoluer, ils vont se dégrader et au bout de 2 heures, ils sont plus aussi efficaces. Malheureusement. D'accord. Donc Ok, parce que c'est vrai que le. la question se pose de qu'est-ce qu'il y a dans un filtre solaire, enfin dans une crème solaire. Ouais, tout à Moi, fait. derrière, je vois que ça ne me parle pas du tout, hein. Il y a de la butamodine. Ouais. Ah, Voilà. Je ne Ouais. sais pas du tout ce que c'est. Je vois qu'il y a de l'eau, apparemment. Il y a marqué T'avoue que aqua. moi non plus. D'accord. Pour le C'est côté, déjà pas mal. c'est sous forme de crème, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est vrai que on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vois qu'il y a du Oui. sodium, je remarquais. Alors, ce que tu peux faire dans ces cas-là, c'est, tu sais, les applications qui notent les produits Oui. cosmétiques, elles ne sont pas parfaites, mais tu as par exemple Incy Beauty qui va te décrypter chaque ingrédient. Elle va te dire chacun à quoi il sert. Je trouve ça assez pédagogue, du coup. Alors, Si peux-tu éventuellement tu les veux. clés? C'est Parce que... Incy, Ouais. plus loin, Beauty. Mon accent n'était Yes. pas. Suffisant, c'est ça pour, pour le comprendre. Et du coup, qu'est-ce que je voulais ajouter, mince, mon ordinateur s'éteint à ce moment-là. En tout cas, du coup, au niveau des filtres UV, puisque tu te demandais ce qu'il y a dans les crèmes, il y a donc ces filtres solaires qui sont, pour info, encadrés par la loi, répertoriés par le règlement européen. D'accord. Pour OK. qu'une marque en fait soit obligée pour indiquer protection solaire d'utiliser ces filtres qui ont été vraiment étudiés, etc. C'est ça, c'est une des polémiques aussi. On peut entendre parler de nouveautés côté protection solaire, mais pour écrire l'appellation en fait écran solaire ou crème solaire, il faut avoir un des filtres solaires de ce règlement, du coup. Et il existe deux types de filtres solaires. On a les filtres minéraux. Donc là, c'est tout ce qui va réfléchir en fait le rayon, tu vois, le renvoyer. Et là, c'est ce qui va en général donner un peu le côté blanc que tu n'aimes pas trop. Enfin, tu D'accord. disais si c'est un peu trop épais, etc., ça peut te déranger à l'application. Oui. Bon, bah ça, voilà, c'est plutôt les filtres minéraux qui provoquent ça. Et de l'autre côté, on a les filtres chimiques ou organiques. Là, le principe, c'est que ceux-là vont en fait rentrer dans la peau. Puis, lorsque les rayons viendront contre ces filtres chimiques, ça les transformera en chaleur. Et c'est ces filtres-là D'accord. qui, au bout de 2 heures, sont déjà complètement dégradés parce qu'ils ont reçu tellement de rayons qu'ils se sont transformés, tu vois. Donc, ils ne sont plus efficaces. Et une étude a montré qu'un seul filtre solaire ne peut pas permettre la protection complète. Il faut vraiment combiner plusieurs filtres pour que ce soit efficace. Des filtres, du coup, minéraux qui permettent donc que la lumière soit réfléchie et des filtres chimiques qui, eux, transforment les rayons en chaleur. D'accord, ok. Et ben, en parlant de cette composition, je vois que sur la crème que j'utilise, elle est notée 6,8 sur 20, ce qui ne semble pas forcément terrible, mais en effet, l'application relève les différents filtres qui sont réglementés, notamment apparemment cette crème-là utilise un filtre UV chimique, il en même utilise plusieurs apparemment qui sont associés, qui ont des noms totalement imprononçables. Et il y a même dedans de la glycérine, je crois, c'est ce qui donne un petit peu l'effet gélatineux, il me semble. D'accord, la texture du coup. Oui, et puis après le reste, il y a du parfum apparemment dedans, mais il précise pas quoi, il y a juste marqué parfum. Oui, souvent c'est vrai que sinon les senteurs des crèmes solaires, ça peut être un peu, enfin pas très attrayant, donc ouais, c'est Tout souvent le à fait, cas. mais après, apparemment, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, ce qu'ils disent dans l'application, que ce sont parfois des molécules odorantes potentiellement irritantes, voire Ah allergisantes, oui. ce qui n'est pas top hein, pour une crème qui se veut peu sensible Ouais, et c'est vrai que quand tu m'as dit Aven, je vais parler juste après d'un magazine très instructif que j'ai qui a fait un classement et Aven n'est pas la mieux notée, quoi. On va en parler juste après. Ne D'accord, ok, alors je pensais le spoilons pas. contraire. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant là que tu l'aies scanné. Tu vois, alors le problème, le risque en scannant les produits là avec ce type d'appli, c'est que ces applis-là ne prennent pas en compte le pourcentage de chaque ingrédient. Donc, elles te disent de toute D'accord. façon qu'ils soient à 50% ou à 1%, elles te disent la même chose. Et c'est ce que beaucoup de scientifiques ou même de personnes travaillant pour les marques et tout ça déplorent. C'est que du coup, on peut être un peu alarmé tout de suite à se dire, oh là là, là c'est rouge à cause de ce truc. Mais en fait, la dose a été étudiée pour que ça ne soit pas si gênant ou quoi. Et ça, ça ressort pas. Mais c'est quand même instructif de voir qu'il n'y a pas que des bonnes choses, quoi. Bah, tout à fait, tout à fait. C'était l'occasion d'en parler, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est plutôt. Ouais. Moi, la Incy Beauty, en tout cas, c'est celle qui est la moins décriée, tu vois, des applications. Quand j'entends des spécialistes qui n'aiment pas trop le principe, ils disent que celle-là, elle est quand même un petit peu plus neutre. Voilà. Parce qu'il y a tout un côté marketing en plus, apparemment, derrière ces applications. Ça pourrait faire l'objet d'un live, d'ailleurs. C'est vrai. Parfois, ils ont juste enfin, ils ne sont pas si neutres que ça, tu vois. Tout à fait, il y avait Un une polémique d'ailleurs dérivé. avec l'application Yuka qui avait décrié certains produits, il me semble, plutôt que d'autres, et ils avaient été poursuivis comme ça. Sans raison, par partenariat un peu. Ouais, je vois. Ah, c'est toujours le risque. Ouais. Dès qu'il y a du Du moins, ils avaient business, hein, de donné toute leur façon. avis, quoi. Oui, d'accord. Ouais. Alors, du coup, en parlant donc de ces filtres solaires qu'on peut combiner, j'essaie de me retrouver, pardon, je me perds moi-même un petit peu. Donc, souvent, voilà, il y a des filtres chimiques et des filtres minéraux. On l'a dit, ils peuvent avoir une potentielle dangerosité pour la santé. Et le problème, c'est qu'à cause de toutes ces polémiques-là, certaines personnes arrêtent complètement de se protéger, alors que les médecins et les scientifiques nous alarment sur le fait que les dangers du soleil sont réels, avérés, et quand les risques de certains ingrédients n'ont pas encore en fait été établis et prouvés, alors que le soleil, ça, on est sûr, quoi. Ces dangers sont connus depuis un moment. On a tendance à confondre danger, risque et risque avéré, alors que c'est trois notions complètement différentes. C'est un des problèmes avec la protection solaire. Tout est une question de bénéfice-risque, Ah oui, comme comme d'habitude, pour les quoi. médicaments, etc. Ouais, comme pour le vaccin, etc. Tout Ouais. Et est du lié, coup, incroyable. c'est ça de toute façon. Et une polémique, voilà, il y en a beaucoup, donc j'en ai sélectionné une que j'ai souvent retrouvée, c'est celle sur le dioxyde de titane. Ça, c'est un filtre solaire minéral, donc tu vois, qui va réfléchir le rayon solaire. Et ce filtre solaire-là est accepté par les chartes de cosmétiques bio, comme Cosmos, par exemple, qui est plutôt réputé du coup, qui est un label bio assez important sur le marché, quoi. Et en fait, le problème du dioxyde de titane, c'est qu'il serait potentiellement cancérigène lorsqu'il est inhalé. Du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas permis dans les contenants en aérosol, tout ce qui est brume solaire. Là, on ne va pas avoir le droit de mettre du dioxyde de titane dedans. Par contre, apparemment, quand il est appliqué en masse par massage, quoi, sous forme de crème ou de lait, là, il n'y aurait pas de souci. C'est le comité scientifique européen qui estime que si on ne dépasse pas un certain taux, il n'y a pas de problème, il n'est pas nocif. Donc, tu vois, c'est sur des petits quiproquos comme ça que des polémiques peuvent naître. Et après, les gens ne savent plus finalement s'ils peuvent même utiliser une crème solaire bio parce qu'elle contient du dioxyde de titane, alors que c'est très encadré. Et en Europe, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de vérifications sur tout ce qui est cosmétique. Tout à fait, pas que. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Sidoki. Mais est-ce que les personnes justement qui ne se protègent plus, en tout cas malgré qu'on sache que c'est encore, enfin ça a toujours été important, mais avec toutes les nouvelles études, etc., est-ce que les personnes ne sont pas aussi dans un flou où on leur dit d'un côté mais non, il faut, d'un autre côté si, et enfin tu vois, vous Ouais. voyez, mais est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi? Je ne sais pas parce que je ne suis pas concernée, mais. Je pense qu'il y a des personnes, elles en ont aussi peut-être marre ou elles se sentent un peu perdues. C'est ça aussi, on nage aussi dans un flot d'informations où il faut, on n'a jamais eu autant d'informations, mais derrière, comme vous l'avez dit pour Yuka justement, où on ne sait plus est-ce que c'est du business, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est une vraie étude, enfin, c'est compliqué. C'est vrai qu'à moins Ouais. de faire confiance à, par exemple, un dermatologue qu'on estime vraiment qui s'est déjà révélé pertinent et tout dans ses conseils et tout ça, on peut vite être perdu. Déjà, si tu commences à regarder sur Internet, tu es vite perdu aussi. Donc, je pense que le mieux dans ces cas-là, c'est de prendre le temps de se renseigner finalement. Et souvent, les gens ne prennent pas ce temps-là, vu qu'il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on n'est pas très au fait. En tout cas, ce soir, moi, par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire là sur le sujet, mon angle, c'était clairement protégez-vous du soleil parce que finalement, c'est toujours plus dangereux de ne pas s'en protéger que alors, ma phrase est mal tournée. Le risque suprême, c'est de ne pas se protéger du soleil. Après, c'est vrai que tout n'est pas parfait en termes de protection solaire, etc. Juste après, on va évoquer du coup 60 millions de consommateurs qui ont fait un tableau voilà, et qui est censé être une association assez neutre par rapport à ça. Mais du coup, de toute façon, il vaut mieux se protéger. En plus, en général, on ne se protège pas toute l'année, donc c'est quand même limité. Alors que le soleil, tu l'as dit, en 60 secondes déjà, il est dangereux. Donc, il n'y a pas photo. Tout à fait. Alors, du coup, en tout cas, par rapport à ces filtres minéraux VS chimiques, les filtres minéraux, c'est ceux qui sont conseillés pour les enfants notamment, parce que c'est ceux qui agissent instantanément. En fait, les chimiques, il faut quand même D'accord. le temps, tu vois, qu'ils s'infiltrent dans la peau et ensuite pour qu'ils puissent transformer ensuite les rayons en chaleur. Mais dans l'ensemble, c'est souvent une combinaison des deux. Et du coup, tout ça, on en a parlé, le fait que c'est très checké par les différents organismes dans l'Union européenne. On va pouvoir oui, évoquer l'impact sur l'environnement. Ça aussi, c'est un des grands sujets par rapport à la protection solaire. Donc, j'entendais l'interview d'une personne qui travaille pour un une marque de produits solaires. Donc, c'est toujours à prendre avec des pincettes peut-être. Mais ce qu'elle estimait, c'est que le problème de fond, finalement, c'est avant tout le réchauffement climatique et l'impact de certains produits solaires qui sont certes négatifs pour les coraux, etc., n'est pas si important que plein d'autres industries ou quoi. Donc, ça revient toujours à la même conclusion que avant tout, il faut quand même penser à sa peau et au risque de cancer de la peau et tout ça. C'est vrai que je pense qu'à partir du moment où je pense trop étaler de crème solaire ne sert à rien, puisque la peau va juste pas l'absorber, ça va pas forcément être bénéfique, on va juste perdre de l'argent à s'étaler de la crème, et au-delà de ça, bah, plus polluer les océans d'un seul coup. Faut mieux en mettre avec parcimonie aussi, aux endroits qui sont, enfin pour ma part, c'est ce que je fais, aux endroits qui sont vraiment très exposés. Puisque bon, je vais pas en mettre sous le short non plus, ou même sous le t-shirt, Oui, sachant que bien je vais pas sûr. l'enlever. Oui, tout Voilà, à ou même fait. aux endroits où il y a pas mal Vraiment de frottements. exposition. Ah oui, tu sais Parce que de toute que façon, elle va partir. Ouais. en 2 secondes, bah, de toute manière, Ouais. dès qu'on fait 300 mètres de dénivelé, c'est parti, quoi. Il n'y a plus de crème sur le Ah visage, elle a ouais. déjà coulé. Donc pareil, je sais pas quel est le meilleur Alors, du elle a coup. coulé, mais si c'est un filtre chimique, il a pénétré la peau et il agit en Ah ouais. interne, tu vois. Donc, je Ouais. reconnais que c'est pas forcément. Enfin, t'as raison, en tant qu'adulte et tout, c'est une bonne stratégie pour te dire, bah au moins je pollue pas plus que ça et tout ça. Déjà, quand tu es à la montagne, quelque part, il n'y a pas le côté pollution par la mer, parce que c'est un des gros problèmes, en fait. Oui, Toi, après, ça puis va même être je prends dans pas la de. douche. Non, mais je veux dire, je prends pas de spray. Je prends la crème. Ah oui. Ça m'évite de faire d'avoir un aérosol sur moi et puis. Oui, et ça, Puis d'en oui, on sait que c'est pulvériser là où il pas n'y en a pas besoin, l'idéal. quoi. Ouais, je vois. D'accord. En tout cas, pour par exemple les enfants qui sont la population fragile par excellence en termes de rapport au soleil, puisqu'ils n'ont pas encore tous les mécanismes de défense créés, installés en eux, là, on conseille de quand même plutôt mettre une bonne couche hein, et de D'accord. renouveler vraiment toutes les 2 heures et même après chaque baignade. Donc, Ok, je crois que voilà. ma mère ne lésinait pas sur la crème solaire, c'est Oui, certain. t'as des photos où tu es complètement blanc de crème, c'est ça, et t'as les yeux qui Alors, piquent. des photos, peut-être pas, quoique mon père il en a dû en prendre en rigolant, mais surtout moi en train de râler et puis dire à ma mère, c'est bon, je crois que ça y est, t'en as mis déjà pendant 20 minutes, Oui, je peux ouais, je enfin m'en vois. aller, allez, allô. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai que souvent c'est ça. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a Cécile qui intervient. Moi, ma crème cet été, c'était une crème avec un tube en carton recyclé. Donc, les marques de crème solaire font aussi des efforts sur l'écologie, donc c'est bien. Ah oui, Ouais, top! t'as raison, carrément. Ouais, c'est tellement un sujet aujourd'hui. C'est l'avantage des polémiques et tout, c'est qu'elles font prendre conscience aux marques que si elles veulent continuer à vendre, il faut qu'elles évoluent et qu'elles communiquent sur certains points. Donc c'est clair, ça c'est Oui, bien. tout à fait, c'est Ça vrai. va dans le bon sens. Et du coup, on passe aux produits conseillés, voilà, de façon relativement neutre a priori. Tu connais du coup, toi, 60 millions de consommateurs, le magazine ou Mais je l'association, connais, ouais. l'organisme. Ouais. Alors, t'as déjà, enfin oui, pour toi c'est plutôt un argument d'autorité ou t'es un peu sceptique quand Oui. même. Non, je suis plutôt confiant. Ouais. Bah, j'ai déjà eu quelques enquêtes qu'ils ont fait. Elle me semblait vraiment rentrer dans le vif du sujet et ne pas Oui, lésiner assez poussé. sur les actions qui étaient menées. Donc, Ouais. je pense que voilà, ils ont l'air d'être assez impartial et puis de pas se Ouais, voiler c'est la vrai. face. Ouais. Et puis, je crois qu'ils ont souvent des marques qui viennent râler. Donc, c'est aussi signe qu'ils ne Oui. sont pas là pour leur faire plaisir. Théoriquement, leur objectif, c'est l'intérêt du consommateur avant tout, d'où le titre d'ailleurs. Et du coup, là, cette année, ce magazine a évalué différentes protections produits solaire à indice 50. Merci Cricri au passage de m'avoir fourni cette source d'information qui a été très très riche. En fait, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont évalué sur 3 critères ces différentes crèmes solaires. Est-ce que tu as une idée, Steven, des critères peut-être qu'ils auraient pu choisir. Oui, je pense. Oui, bah déjà, je pense que ils auraient pu choisir la texture de la crème, j'imagine, puisque soit elle est facile à étaler, soit elle n'est pas facile à étaler, soit ça fait. Je pense que ça fait partie des critères, ou alors après des critères plus en lien avec la peau et sa protection, savoir si le 50 plus est effectivement un vrai 50 plus, Tout ou à alors fait. pas trop, et voilà. Je pense que c'est plutôt sur la qualité du produit que sur et Exactement. son effet au long terme. Tout à fait. Eux, leur but avant tout, c'est la dimension santé hein, en général et le fait qu'on ne soit pas trompé. Du coup, il y a eu trois critères. Il y a le critère dont tu as parlé. Est-ce que la protection contre les UVA et les UVB est aussi bonne que le produit le prétend? Ça, c'est 60% de la note carrément. Ah Ensuite, ouais. est-ce que le produit n'est pas mauvais ni pour la santé ni pour l'environnement? Donc là, ces deux notions-là, c'est en tout 30%, donc 15-15, j'imagine. Et enfin, est-ce que l'étiquette donne toutes les informations nécessaires? Ils ont pris cette donnée en compte pour le côté transparence, parce qu'apparemment, certaines marques surfent sur la peur des consommateurs face à la destruction marine. Elles mettent un petit logo de tortue, par exemple, pour avoir un effet environnement friendly, en fait. Et Ah ouais. du coup, l'association 60 millions de consommateurs a voulu vérifier si les marques étaient à la hauteur des promesses sur les étiquettes. C'est Donc marrant que tu le maintenant qu'on soulignes sait parce que ça. sur ma crème, il y en a un. Ah oui. Ah Voilà. Et du coup, est-ce qu'elle s'appelle les lotions, ta crème Aven ou non? Non, c'est pas vraiment de nom. Il y a marqué très haute C'est un grand protection, tube peau orange? thermale. Ouais, c'est un grand tube orange, ouais. Attends, parce que Ouais. moi, le Un grand dessin tube est un orange peu avec un trop. embout blanc, je vois qu'il y a marqué dessus Ouais. spray. C'est pas celui que j'utilise, hein. Moi, j'en Ah, c'est un utilise une autre spray. plus petite. D'accord. Mais celle-là, c'est un spray, apparemment. Ok. Je ne sais pas si la formulation change quand c'est un spray. C'est possible. Ouais. Peut-être un petit peu. Ouais, je sais pas. Alors, Mais en tout cas, il y a bien un petit du coup. logo bleu, il y a marqué Skin Protect Ocean Oui. Respect. Ouais. Ils ont Après, réfléchi au je dis truc. pas que dans ce cas-là, c'est pas positif. En l'occurrence, tu vois, la crème Aven de leur étude, elle a eu la note maximale pour ce qui est de l'étiquetage cohérent. Donc, bon, ça veut dire D'accord, qu'au moins pour bonne un des nouvelle. produits Aven, le lait lotion, c'était cohérent. Donc, on peut imaginer qu'il y a des chances que ce soit aussi pour ta crème à toi et ce petit logo. Donc, j'ai le tableau sous les yeux, hein, chers auditeurs, si vous voulez nous dire la marque que vous utilisez cet été en termes de protection solaire, n'hésitez pas, je vous dirai comment elle s'est positionnée. Pour le lait Aven, Steven, donc qui n'est pas tout à fait le même, mais quand même, sache que en termes d'appréciation pour la santé, et c'est drôle parce que tout à l'heure, tu as scanné ta crème à toi sur Incy Beauty, là, elle est notée la pire note impact santé, tu vois. Alors qu'au début, tu m'as présenté ça comme une marque plutôt rassurante de Oui, qualité. C'est effectivement, l'image c'est qu'on ce que en je a, hein, pensais. c'est vrai, hein. Mais bah oui, c'est compliqué hein, entre l'efficacité de la communication des marques, voilà, l'image qu'on en a et la réalité. Bah, parfois, on peut être un peu déçu. Bon, après, j'en sais pas plus, mais sachez qu'elle a la moins bonne note par rapport à ça. On va écouter les commentaires, puis après, je vous dévoilerai le top 3. Sophie? Ah, oh, moi je veux bien savoir comment elle est notée, la mienne, si j'utilise Aderma indice 50. Alors, Sophie, est-ce qu'elle est blanche avec du orange au niveau de l'écriture Protect AD qui serait écrit? Si c'est le cas, elle a eu 14 sur 20. Elle est pas trop mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la sixième du classement. Wow. Et par contre, pour la santé, maman Soso, toi qui es enceinte, tu as peut-être sans doute scanné, je ne sais pas si tu as scanné pour voir si par rapport à la grossesse, il n'y avait pas de souci. Mais elle n'est pas terrible. Elle a la note D et ça va jusqu'à E. Si je ne Ouais. m'abuse, c'est jusqu'à E. Donc, ce n'est pas génial. Après, en revanche, elle est bien notée pour la protection solaire et l'étiquetage. Mais pour appréciation sur l'environnement, elle a C. Donc, c'est pas super. Ah bah, Sophie réagit. Oui, c'est ça. C'est ça, elle est blanche et orange. Principalement D'accord. blanche avec du orange à l'écriture. Ouais, bon bah tu peux. Voilà. Tu vas écouter le top 3, Sophie, puis si tu as envie, tu pourras changer. Ouais. Est-ce qu'un autre. Qui, nous... qui est qui est présent ce soir pour nous dire peut-être la marque qu'il applique cet été. Juliette, Charo, Cricri, maman Soso, tu nous as dit. On a aussi Sarah, salut Sarah, Cécile, Claire, salut Claire, et Ellie. Est-ce que vous voulez nous dire la crème que vous utilisez? Cricri. Moi, j'utilise une crème pour le visage anti-âge, Nivea Sun, un 10-50. C'est la pire du classement, je sais, moi aussi je l'avais. Mais Alors, Nivea, j'ai l'impression que c'est pas ouf, hein. Enfin. bah, en tout cas, là, c'est là. Attends, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15 au banc d'essai. Et c'est la 15e. Donc, c'est pas celle pour le visage, par contre, un cri-cri, mais elle a 7,5 sur 20. Elle est la Nivea pour le corps que moi j'utilisais naïvement. Elle est en E pour la santé, E pour l'environnement. Et carrément, apparemment, négative pour ce qui est de la protection réelle solaire. Donc ça, c'est hyper décevant. Là, une marque comme ça flingue son image, hein. Je ne sais pas quel Ouais. est l'impact réel des ventes ensuite. Après, Nivea est quand même très attractive en termes de prix et elle se vend en grande distribution. On a souvent tendance à moins réfléchir. Si elle est bien positionnée, hop, on l'attrape au passage. En plus, c'est écrit Bah, c'est enfant ça. dessus en général. Donc c'est Quand ça j'étais qui les petit, aide, mais... ouais, il me semble que c'est la crème que ma mère utilisait quand j'étais petit. Ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. Il y a toujours écrit water resistant et tout. On voit des Bah, petits c'est dessins ça. d'enfants. Ah oh là là. Alors, cri cri. Moi, j'utilise une crème visage anti-âge, Oui, tu l'as déjà dit. Nivea Sun, un 10-50. Ouais, tu l'avais dit 1 minute avant. C'était bien passé. Merci, cri cri. La note n'a pas changé entre-temps. Et Juliette? Alors, j'ai pas de crème sous la main. Perso, je prends un peu le premier truc que je trouve. Et si possible, pas un 10-50, un truc plus faible. Pourquoi ça ne m'étonne pas, D'accord. Juliette? Alors, Juliette, est-ce que quand tu dis plus faible, c'est 30 ou c'est carrément 15 par exemple? Parce qu'apparemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu as 30 ou 50, c'est pas l'intensité de protection à l'instant T qui change, c'est le temps pendant lequel tu vas être tranquille, tu vas être protégé. Donc, on pourrait se dire, bah, tant qu'à faire, autant mettre la 50 direct, t'es protégé les 2 heures au moins. Mais si tu préfères la texture de la 30, qui du coup sera plus fluide, c'est aussi un autre choix. Mais tu vois, il ne faut pas croire que la 30, en fait, protège moins. Finalement, elle protège très bien aussi la 30. Par contre, en Mais dessous, je là, c'est pense autre que chose. c'est. Si je me permets de juste répondre par rapport à ça, parce que moi je Ouais. pensais que clairement, plus on prenait haut et plus c'était un indice de protection élevé, Oui. je pense qu'il joue là-dessus d'un point de vue marketing, parce que sur le produit, il Hmm. n'y a nullement noté que c'est une durée de temps et c'est pas. C'est Il y a marqué vrai. SPF, faut-il encore savoir ce que ça veut dire? T'as raison. Et quand on retourne le produit, on ne lit pas. Que c'est un indice, enfin, qu'on nous dit que c'est un indice de protection, on ne dit pas c'est un indice de temps de protection. Ouais, Tu vois ce ouais. que je veux Non, dire? t'as raison. C'est vrai qu'il y a un flou là-dessus. C'est vraiment dommage, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'obligation de le dire. Alors, Voilà. en fait, maintenant que j'y pense, pour avoir écouté des interviews de personnes travaillant en laboratoire et tout, ils estiment que ce n'est pas forcément une fin en soi, ce FPS. Ils ont obligation de le mettre, mais certaines marques préfèrent mettre, par exemple, un nombre de soleils, tu vois, ou d'autres choses, parce que c'est un peu faussé. En fait, quand on dit qu'on est protégé, par exemple, 50 fois plus longtemps que si on n'avait pas mis de crème solaire, c'est dans certaines conditions. C'est les études. Alors, je ne veux pas me tromper. Il y a in vivo et in vitro. C'est ça, hein? Ça te dit quelque chose aussi ou pas? In vitro, je Ouais. crois que c'est en laboratoire, et in vivo, ce serait l'étude Oui, je sur vois. le. Cécile, si tu peux nous confirmer ça. Du coup, là, c'est in vitro. Du coup, c'est dans des conditions très particulières. Je ne veux pas en dire trop parce que tout à l'heure, c'est une des questions du quiz. Mais il y a une quantité à appliquer pour avoir ces 50 fois de protection, tu vois, de D'accord. plus en temps. Et c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent peut-être pas tant que ça enfoncer le clou. Mais bon, je suis d'accord, c'est dommage. On veut de la transparence, nous, Alors, on consommateurs. veut de la transparence et surtout comprendre ce qu'on utilise. Ben oui, ouais, Ouais. non, carrément. Alors, du coup, on va passer à la révélation. Je vais vous poster sur Instagram le top 3, hop, de cette étude. Hop là. Sachez que le numéro 1, c'est Waterlover de Biotherm. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi, Steven, cette marque? Bioderma me parle, le nom du Ouais. labo, enfin de la Alors, marque, c'est mais pas sinon. Bioderma, je sais, ça ressemble, c'est Biotherm. Ah non, ça me. Non, alors je connais pas. Ouais, bah, alors j'ai vu déjà, par exemple, c'est un indice, leur Instagram n'est pas en français, donc la communication n'est peut-être pas très poussée sur le marché français. Mais en tout cas, c'est eux qui ont obtenu la meilleure note. Ils ont obtenu 16,5 sur 20. Et pour tout ce qui est protection, donc le critère principal, ils sont au top. Voilà, protection contre les UVA et contre les UVB. Pour info, quand on dit du coup qu'il y a un FPS 50 par exemple et que du coup l'UVB va mettre 50 fois plus de temps à abîmer la peau, dans ces cas-là, la règle, légalement, il faut qu'il y ait au moins un tiers de ce temps de protection pour l'UVA. Ce n'est pas la même chose, tu vois, apparemment. D'accord. Ça ne veut pas Alors, dire je que me pendant demande bien 50 minutes, comment. ouais. Ouais. Ouais, tu te demandes. Comment ils font pour tester, comment ils font pour Ouais, là, vérifier je. qu'en fonction des UV, ça protège. D'autant plus qu'il y a plusieurs types, comme tu l'as dit, minéral et chimique. Alors, ça Ouais. doit être une sacrée galère quand même. Ouais, c'est vrai que. Je sais pas quelles sont les. Ouais. Quelles sont les façons d'étudier ça. Mais en tout cas, tu vois, vu que 60 millions de consommateurs a pu le vérifier aussi, c'est censé être faisable, en tout cas. D'accord. J'en viens à une autre question, du coup. Est-ce que Ouais. la peau de l'utilisateur va avoir une influence sur la durée enfin, la durée de la crème, justement, ou alors certains produits pourraient mieux passer que d'autres? Comme tu l'as dit la dernière fois dans Ah. un précédent live, en lien avec justement le microbiote, Ah oui. le pH de la peau, est-ce que tout ça rentre dans le jeu, en fait? Ah, bonne question. Étant donné que chaque. Ouais, moi je pense que oui. Puisque de toute façon, l'indication, l'indice, c'est in vitro, du coup, en laboratoire, et eh ben on n'a pas. Chaque individu ne va pas réagir de la même façon. Donc je suis à peu près certaine que oui, je ne l'ai pas lu précisément, mais ouais, c'est une bonne question. A priori, D'accord. oui, parce qu'on est toujours inégaux en fait face à l'absorption Eh oui, c'est d'actifs et tout ça. ça. Ouais. Et en tout cas, du coup, je suis allée acheter cette crème Waterlover aujourd'hui. Et en sortant du magasin, je me suis rendu compte que je m'étais trompée, j'avais pris le 30 et pas le 50. Mais Pas de mis chance. à part, ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave parce que comme je viens de le dire, c'est surtout entre 30 et 50, c'est pas tant l'intensité de protection à l'instant T, mais plutôt la durée de protection. Donc, il faudra juste que j'en applique plus souvent. Mais elle a une texture plutôt fluide et voilà, c'est la Il senteur aussi serait m'a paru agréable. du coup, il serait intéressant de tester justement d'en acheter une 30 et une 50 et de comparer la Ah, texture. Est-ce que la oui. 30, enfin la 50 est moins diluée et elle paraît plus épaisse, tu vois, en se disant peut-être qu'il y a Oui, moins je d'eau vois. dedans. Ouais, t'as raison. Et Souvent, souvent, c'est ouais. ça, hein. Ouais, donc et du coup, ça influe forcément le prix, j'imagine. J'ose espérer que ils ne vendent pas l'eau Ah, plus cher que. franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça influence le prix parce que, alors après, ça dépend de l'endroit où on l'achète. Moi, c'était en pharmacie et c'était quand même 29 euros pour Ouais. ce pot de 200 millilitres qui n'est pas immense. Et là, je vois dans mon tableau, on a le prix moyen, prix indicatif. Ah, C'est vrai que c'est c'est cher même. les crèmes solaires. Hein. Mais alors là, en fait, je me rends compte que oui, je me suis trompée d'endroit parce que moi, j'ai payé 29 et en fait, le tableau indique un 19 euros, tu vois, pour la 50. Donc, Ouais, dans ce c'est vrai que ça cas-là, paraît je sais pas. cher. Ouais, là c'est vraiment ballot. Je me suis doublement trompée. Il y avait une réduction de 3 euros, mais bon, bref. En tout cas, le produit, le deuxième produit, pour le coup, c'est la marque Yves Rocher. Donc là, c'est peut-être plus abordable, même si là, je vois au niveau du prix indicatif, pas forcément. Et en plus, le contenant est plus petit. Donc, c'est vrai que spontanément, je m'étais dit que Il serait plus abordable. Il est plus abordable que ce que moi j'ai payé en tout cas. Et la troisième marque qui a été considérée comme plutôt pas mal, c'est Bioderma justement, que tu évoquais. D'accord. Photoderm Max Spray. Bah, je l'ai vu la dernière fois en Mais, pharmacie. ah, mais alors là, tu Donc, vois, appréciation sur la santé, on est à D. Ouais. Et par contre, pour l'environnement, elle est très bien. D'accord. Mais D'accord, d'accord. c'est au C'est niveau marrant parce qu'on pourrait de... se Voilà. dire que si c'est bon pour la santé, c'est que c'est peut-être bon pour l'environnement aussi. Hé Mais comme hé. quoi. Ouais, je vois. En fait, souvent, c'est vraiment par rapport au fond marin, c'est quand même particulier parce que notre santé, on est Oui. des mammifères à l'air libre. Donc, je sais pas. Je pense que c'est pas tout à fait comparable, en fait. Oui, on a souvent, tu as raison, hein, on fait souvent l'amalgame de se dire que... Enfin, on aime bien que les choses soient tranchées, en fait. Se dire soit c'est parfait, Ouais. soit... Enfin, c'est noir ou blanc, et finalement, c'est Bah, on aime souvent bien ce qui entre est les simple. deux. Oui, c'est vrai, ouais. Et c'est vrai que c'est plus facile, du coup, de mettre dans des cases, ouais. C'est Oui. sûr, c'est sûr. Alors, du coup, eh bien, chers auditeurs, dites-nous si ça vous donne envie d'acquérir une de ces trois marques, ou si vous allez continuer avec votre produit habituel. Toi, est-ce que tu penses que ça va influer ton prochain achat ou bon, tu es habitué à la D'après ce veine que et. j'ai vu, j'irai tester ma crème solaire que moi j'utilise et je pense que oui, Ouais. ça risque de fortement influencer. Ce que je vais ensuite acheter. D'accord. Bon, bah, c'est déjà une bonne chose. Bon, je vais voir qui nous écoute. Alors, Maman Soso aussi, toi qui a eu du coup une crème que j'ai pas forcément. Valoriser beaucoup en lisant la note. Est-ce que tu penses te diriger vers un des top 3? On a Juliette, Cricri, Cécile, Ellie, Sophie, Sarah, Ananas et Déesse des Chats. Bonsoir, Déesse des Chats. Merci à tous d'écouter. Alors, du coup, qui intervient? Cricri. Moi, comme j'y allais un Oui. peu au jugé comme ça, je pense que je vais tenir compte de ce classement, oui, pour choisir ma future Ouais. crème. Génial. J'espère que tu en seras satisfaite et que tu liras mieux que moi l'étiquette avant de l'acheter. Alors, on va passer, pardon, chers auditeurs, à la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Donc, vous le savez, dans Beauté Imaginée, les auditeurs imaginent de leur côté mon bel invité. L'imaginaire, c'est aussi la force du podcast. Lors du premier live avec Steven, vous aviez deviné son âge. 26 ans, si je ne me trompe pas, c'est toujours ça, C'est Steven. ça? Ouais. On avait aussi deviné ta préférence pour la montagne et ton hobby, qui est en l'occurrence un de tes hobbies, la coutellerie, c'est-à-dire l'étude des couteaux avec leur histoire, etc., à travers les différents pays notamment. Donc ce soir, on vous fait imaginer trois nouvelles infos sur mon bel invité Steven. Bon, déjà, sachez que Steven est créatif, il est capable de créer un type d'objet. À votre avis, ça pourrait être quoi comme objet? Toujours en lien avec ce talent créatif, il a créé un objet pour son chat aussi. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être selon vous? Et troisième info à deviner, quel serait son style de musique préféré? Qu'en pensez-vous? Est-ce que notre conversation sur les solaires vous a inspiré par rapport à ça? En attendant, on va écouter Maman Soso. Oui, ben, enfin, je suis assez étonnée du classement, mais c'est vrai que quand on va en pharmacie, on se laisse savoir sur le marketing, en fait, hein, et moi, je sais que je regarde Ouais. juste l'indice 50, je sais que Aderma, c'est une marque que j'utilise, donc je me suis dit, allez, on y va, Oui. et en fait, ben, elle est pas bien notée, donc du coup, oui, là, je viens de l'acheter, donc je vais pas rechanger tout de Ah suite, mince. mais j'avoue que la prochaine fois, ben, je prendrai une mieux notée, en tout cas, j'y ferai plus attention. Ok. Bah, si je Bah peux super, rebondir Sophie. là-dessus, c'est clair qu'en Ouais. pharmacie, on se fait, enfin, pour ma part, je me fais souvent avoir parce que je me dis que je suis dans un endroit où on peut avoir confiance, où les Safe, produits qui ouais. sont exposés sont, je pense, bien vus par rapport aux pharmaciens ou pharmaciennes qui l'utilisent peut-être ou quoi. Et en fait, Oui, je vois. totalement pas, puisque j'imagine que derrière, elles passent des contrats, Tout à fait. c'est du business, quoi. Malheureusement, c'est avant tout un positionnement d'une marque de se dire, Je regarde ce qui existe sur le marché, quels sont mes concurrents, je veux lancer une crème solaire, où est-ce qu'il y a un trou, où est-ce que je peux me positionner? Souvent, c'est ça Ouais. ce que va faire un peu là. Le marketing stratégique. Et ensuite, du coup, ils vont quand même essayer de répondre au code du canal qu'ils vont utiliser. Mais du coup, oui, il y a quand même. Enfin, c'est pas toujours une garantie de qualité ou quoi, malheureusement. Nice. Alors, il y a Juliette qui Je intervient. dirais qu'il écoute du rock. Est-ce que tu peux Du répéter rock. la deuxième question, s'il te plaît? Alors, en fait, Steven. C'est créer notamment un type d'objet et aussi un objet pour son chat. Donc ça peut peut-être donner un indice ou pas. C'est ça que vous devez deviner, ce qu'il peut être capable, pourquoi pas, de créer, à votre avis. Le rock, c'est drôle parce que c'est aussi ce que je t'avais proposé comme Ouais. réponse, moi, quand Ah on ouais, a tout à fait comme quoi. réfléchi aux infos. Donc c'est rigolo. Alors, chers auditeurs, dites-nous, est-ce que vous avez une idée sur ce que Steven peut savoir créer comme objet et sur son style de musique? On a eu le rock là de proposé par Juliette. En tout cas, du coup, ça fait combien de temps que tu crées ce que tu vas nous dévoiler ensuite? Non, ça doit faire environ un an et demi. À peu de choses près maintenant d'ailleurs, ça doit faire Confinement? à peu près. Baf, D'accord. confinement, oui, et surtout un moyen de me détacher de mon boulot, histoire de me mettre dans ma bulle et Ah, puis trouver de quelque chose couper. d'utile à faire. Voilà, c'est ça. Oui, je vois. Plutôt que de regarder la télé, entre guillemets, Voilà ce que essayer je de faire quelque chose déteste de faire. constructif. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc, un autre hobby que de marcher dans la montagne longuement, en prenant Ça, une quelques rayons de patienter, en fait, soleil. ça permet de patienter le temps d'aller dans la montagne. Ah, oui, Faire de la d'accord. rando, Ouais, je des choses vois. comme ça. Ouais. Vraiment. Ok. Alors, est-ce que Cri a Je vais deviné? dire que Steven écoute de la musique classique plutôt. Musique classique. Juliette? Peut-être qu'il crée un arbre à chat pour son chat. Ah, j'avoue. Oui, ça aurait pu. Maman Ah, Soso. c'est dur cette question là sur les objets. On peut avoir des indices? Ouais, c'est Ah vrai, oui. mais bah, peut-être que tu peux juste dire, tu sais, pas l'outil, mais la matière première que tu utilises. Ouais, la matière première, c'est de la corde. Est-ce que Maman Soso, ça t'aide pour le chat? Qu'est-ce que ça peut être? Normalement, le chat, ça aide un peu parce qu'on ne peut pas non plus faire tant d'objets que ça. C'est vrai qu'il y avait l'arbre à chat, mais en Ouais. l'occurrence, c'est pas ça. Bon, on va voir, on va attendre encore une ou deux réponses et puis tu nous dévoileras parce qu'en effet, on peut pas Non, non plus ce sera très compliqué. deviner. Après, en termes de pour deviner, c'est quelque chose qui pourrait être multi-usage, donc ça aide pas beaucoup, tu vois. Oui, ouais, j'avoue. Est-ce que tu peux jouer, s'il te plaît, le commentaire? Bien sûr. Alors, c'est la corde, un griffoir, ou grattoir, je sais plus comment on appelle ça. Le truc où les chats font leurs griffes. Bah, l'arbre à chat, hein. Non, mais oui, C'est ça. Mais je vois. je ne sais pas. Alors, on va dire que c'est une trop grosse corde. Moi, la corde que j'utilise, elle doit faire d'être aussi fine que le petit doigt pour mettre un peu plus. Alors, je suis pas très douée en noms d'accessoires pour chats, mais je sais pas comment ça s'appelle les tapis qu'on leur met pour qu'ils puissent faire leurs griffes. Même idée. Ah, même idée, ouais. Mais non. Non, on va dire que sur une corde de 30 mètres, à chaque fois j'utilise 2 mètres de cette corde et j'en fais un objet. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Autre indice, l'objet de base, hein, parce que là, on a parlé du. C'est original le fait que ce soit pour chat, mais l'objet de base a une vocation esthétique, on peut dire. Tout à fait. Et c'est en lien du coup avec beauté imaginée, c'est Ouais, je important. pense qu'il y a déjà pas mal d'indices. On Je va pense qu'il y a pas voir mal d'indices. si. Je te propose que tant que Juliette ne trouve pas, on continue. D'accord. Après, je peux parler du Alors. chat. Je peux donner Oui, des indices au chat. oui. Non, bah alors, tu peux jouer le commentaire et puis après, je vais dévoiler sur Instagram. Allez. Alors, c'est une sculpture avec la corde? Ça Ah pourrait, effectivement, ça pourrait, on peut tout faire avec ça de toute façon. oui, c'est ça. Un champ des possibles très large. Bon, je dévoile sur Instagram et tu peux nous en dire plus du coup, Steven? Alors, c'est parti. Alors, en fait, je me suis mis. Ah, j'écoute Ah le oui, ouais, très bien. dernier audio. Ou alors une corde pour pouvoir promener plusieurs chats en même temps. C'est pas bête. C'est un Déjà peu, qu'un, c'est c'est pas loin. compliqué. Alors, Ouais, c'est plusieurs. sûr. Mais oui, c'est vrai que l'idée principale est là. Ouais. Alors, du coup, comme vous allez pouvoir le voir sur l'Instagram de Alice, enfin de Beauté Imaginée, en fait, je me suis mis à travailler la corde pour en faire des bracelets. C'est une corde un peu spéciale, puisque ça s'appelle de la paracorde. C'est à l'origine de la corde utilisée pour le maintien des parachutes qui était réutilisée pour faire des bracelets de survie, en l'occurrence, pour. Ou alors pour transporter des sacs, pour transporter des choses, enfin tout ce qui était utile à des soldats en mission, et donc ils utilisaient ça, ils pensaient pas, c'est même leur lacet ou autre. Et donc c'est un, je vais pas dire que c'est un art, si, quoique il y Ah en a bah qui oui. sont vraiment versés là-dedans et qui en font tellement de choses très talentueuses que je bats littéralement devant. Mais en fait, en manipulant certains nœuds, on peut faire différents designs que l'on met du coup autour du poignet. Donc ça donne de premier abord comment dire, un style très masculin, puisque c'est une corde qui est quand Ouais. même assez épaisse, Assez large, ouais. voilà, assez large, avec un certain nombre de brins à l'intérieur, parce que c'est vraiment une corde qui a pour utilité de tenir quand même des petites charges. On Ah peut oui. l'utiliser, par exemple, pour tenir de la nourriture en hauteur quand on est en randonnée, en forêt, en trekking. Pour éviter Ah. que des animaux viennent visiter la nourriture. Donc, il y a plein de finalités diverses et variées. Et moi, j'utilise ces cordes-là pour en faire des bracelets à but esthétique, mais qui peuvent bien sûr dépanner en rondeau ou quoi. Voilà, pour remplacer n'importe quoi ou tenir des objets ensemble, quoi. Ouais. Et je sais pas ce que vous Voilà. en pensez, mais c'est très bien fait, hein. Là, ça. Enfin, tu pourrais les vendre, quoi. Je trouve qu'il y a une. En tout cas, sur la photo, on voit qu'il y a une bonne Alors, il y qualité. en a Ça a qui le l'air assez font. régulier, tout ça. Ouais, il y en a qui le font. Mais moi, enfin, c'est vraiment un loisir que je fais pour Oui, moi, oui. mon délire à moi, mon kiff. Mais c'est vrai que Oh, pourquoi pas, imaginons si je change de vocation un jour. en tout cas, c'était surtout pour dire que tu n'as rien à envier à des bracelets du genre professionnel. Je trouve que ça a l'air. Je sais pas après en termes de maintien si tu en es content, mais je Ouais, trouvais que bah, ça celui dure. avec Mon le père, il couteau en a suisse un. notamment, ouais. Oui, qui du coup est un étui spécial pour couteau suisse et que voilà que ça entre bien dedans. Faut penser au système de fermeture, aux différents nœuds pour tenir tout ça et puis ouais. Ouais. Ah, c'est très original, je ne connaissais pas du tout. Alors, est-ce que Juliette et Cricri Ah oui, connaissaient? je m'attendais pas à ça. Effectivement, c'est bien fait. Et j'aime bien la photo du chat. On dirait qu'il va t'arracher les yeux. C'est presque ça. Mais je vous parlais dans quelques instants de ce fameux chat. Oui. Alors, Bah merci Cricri, en je tout cas, trouve ça Juliette. très original, hein. J'avais jamais vu. Bah Ouais. merci, Kelly. Super. Alors, raconte-nous du coup le chat, pourquoi ce harnais? Alors pourquoi ce harnais? Donc ce chat s'appelle Robbie. Il a 4 ans, il fait presque 6 kilos. Un petit peu gros, mais il a une grosse carrure. Donc voilà. Robbie. Il est costaud, il n'est pas gros, il est costaud. Robbie est un peu costaud, oui, c'est ça. J'écoute le vocal. Ouais, c'est parti. Ah oui, c'est super stylé. Moi, j'en avais acheté, je crois, à Nature et Découverte, le premier, enfin celui qu'on Ah. voit sur la première photo en bracelet. Donc, très stylé. Exactement. Ah ouais. Ouais, Ah ils en vendent à Nature et Découverte, c'est vrai. J'avais ouais. oublié. Ah, maman Soso connaissait du coup le principe. Ah ouais. Ouais. Ouais. Alors Et du donc. coup, ouais. Et donc ce chat qu'on a adopté bah, peu de temps après sa naissance a toujours vécu dans un appartement avec un petit balcon, donc il n'est jamais parti en vadrouille au gré de ses envies, Ah oui, d'accord. malgré qu'il soit très curieux, donc c'était un petit peu un problème pour lui. Et Ouais. pour son grand bonheur, nous avons déménagé, nous avons ménagé À donc la dans les montagne. Alpes, à la montagne, c'est ça. Et il se trouve que nous avons une terrasse qui donne sur un quartier où il y a plein de chats. D'accord. Et donc on s'est dit, bah, c'est super, ça, c'est un bon petit terrain pour lui, il va pouvoir s'amuser un peu, il y a d'autres chats, il va pouvoir faire des rencontres, tout ça. Sauf que Robbie n'est pas aussi habile qu'il pourrait laisser le croire, même s'il arrive très D'accord. bien à monter sur son arbre à chat, à se Ah, percher voilà. sur tous les meubles de l'appartement et à faire Ouais. je ne sais combien de bêtises par mois. Monsieur ne sait pas faire comme tous les autres chats du quartier et rentrer sagement à la maison. Non, lui, ce qu'il fait et ce D'accord. qu'il adore faire, c'est se caler sur un toit, regarder de par sa grande prestance le reste du Oui. quartier, et dès qu'il en a D'accord. marre, eh ben, il miaule jusqu'à ce qu'on aille le chercher. Ah, ah là là là là. Ah Voilà, donc ça, c'est l'histoire de ouais. Robbie. Et tous les chats le regardent D'accord. sans comprendre ce qu'il se passe, pourquoi est-ce Ah que bah lui, oui. il miaule et il ne fait pas comme tous les autres chats rentrer chez lui Donc proprement et il sait sagement. monter, mais il ne sait pas descendre. Exactement, son Ah grand ça c'est. problème. Et le Ah pire, ouais. c'est que il me voit et il attend que je vienne l'aider. Oui. C'est tu es son Voilà, sauveur et lui il se bien dit mais qu'est-ce sûr. que tu fais? J'ai faim. Dépêche-toi s'il C'est te ça. plaît. Exactement, j'ai soif, viens, humain, aide-moi. Sauf Ouais, que ça se pour passe pas pas comme dire ça, je peux esclave, pas. oui. Voilà, pour ne pas dire esclave, je ne peux pas me téléporter. Donc, ce que j'ai fait, parce qu'on a quand même réussi à le récupérer, ma compagne Ah ouais, oula. a bien joué son coup pour pouvoir aller le récupérer, c'est qu'on a mis du coup du canis de partout, parce qu'on a bien compris que lui ne pouvait Ah. pas faire tout comme les autres chats et partir en exploration. Pendant un temps, ça a bien marché, mais j'ai remarqué qu'une petite chatte du quartier avait réussi à venir à l'intérieur de la terrasse et je m'étais dit, tiens, c'est Ah. pas si fiable que Ah, c'est ça. pas efficace. Ouais, d'accord. Non. Et il n'a suffi que de quelques pigeons pour motiver Robbie à Ah sortir mince. de nouveau de la Ah terrasse, là là. repartir sur un Et autre se toit percher. Ouais. et se percher et miauler pendant 4 heures non-stop Ah jusqu'à ce qu'il là réussisse à avoir une petite connexion dans son cerveau qui dise, ah tiens, ça y est, je peux descendre et rentrer chez moi. finalement, il a réussi. Ouais, il a réussi. Et c'est suite à Parfait. ça que j'ai conçu le harnais pour Robbie, puisqu'il D'accord. s'avère que les harnais pour chats, en fait, étranglent au niveau de la gorge. Enfin, je sais pas comment les mecs, ils ont conçu le Ah. truc, mais le harnais remonte C'est pas au niveau adapté. des épaules. C'est ça, et c'est pas adapté du tout. Donc, du coup, D'accord, j'ai conçu alors que ce là, harnais-là. d'accord. Là, il y a une Voilà. bonne, ouais, il y a un meilleur maintien et tout. C'est ça qui permet au niveau D'accord. des épaules d'avoir bah, une grande amplitude. Et puis, comme ça, s'il est Ouais. pendu, bah, voilà. Et l'idée, c'est du Oui, coup c'est vrai. que j'ai fixé un peu mieux le canis qu'il y avait autour de la terrasse. Et je l'ai malheureusement accroché avec le harnais et une corde de 5 mètres pour voir s'il allait sauter ou pas. Et il n'a D'accord. pas sauté. Donc, c'est bon. Mais vous êtes à quel étage? Enfin. C'est un peu bizarre, on est au premier étage en fait. Ah, il serait pas pendu dans les airs quand même, rassure-moi. Si, il 5 pourrait mètres, être ça lui. pendu dans les airs. Ah, ça Si, permettrait pas il qu'il pourrait. touche le sol? Et non, malheureusement, non. Ah En bon, fait, mince. c'est pour ça que c'est un peu bizarre parce qu'il y a un côté qui est plus nivelé que l'autre et c'est pour ça qu'il fallait que je conçois un nouvel harnais qui l'empêche de D'accord. se pendre. Enfin, c'est bête d'avoir un harnais et de se pendre au harnais, quoi. Donc là, Ouais. l'idée, c'est que bah, du coup, j'ai conçu le harnais jusqu'au moment où je voyais que bah, s'il se pendait par la laisse, il ne mourrait pas. D'accord, oui. Ouais, je vois, ok. Mais du coup, faut que vous Voilà. soyez réactif pour tout de suite aller le sauver s'il a sauté, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On est Ouais, resté. d'accord. Bah, en fait, le harnais, je l'ai mis pendant quand même 2 semaines consécutives avec différents cas, tout ça. Je restais toujours sur la terrasse D'accord. pour voir un peu ce qu'il Oui, faisait. pour checker. Et Mais. maintenant, il a l'habitude, en fait. Bah maintenant, non, enfin, je ne mets plus le harnais, il est juste là, pour la poussière, mais Robbie ne part plus de la terrasse. Ouais, voilà. Ouais, il a compris qu'il était cantonné à la terrasse et au moins ça lui a fait une cage Voilà. psychologique. C'est ça, ouais, parce qu'à la fin, il n'aimait pas du tout que je lui mette le harnais. Ah bah ouais. Et J'imagine. il a bien compris qu'il ne fallait pas partir. Donc utile, utile le paracorde pour Bah, du coup, ouais, la paracorde, ça m'a pas contenir mal de fois été utile, un ne chat. serait-ce que pour voilà, tenir des objets, réparer un truc. Enfin, c'est bien avoir, je pense, chez soi, un petit peu de corde. Et puis voilà. Et ouais. Eh Voilà ben la merci de fameuse nous histoire avoir de partagé Robbie. ce talent. Donc on en sait plus maintenant sur. tes capacités. Du coup, on avait, enfin, tu nous as dit que tu aimais bien la nature. On a tout ce qui est sportif. La coutellerie, ça, c'est pas encore. Tu ne sais pas. J'étais étonnée que Juliette ne dise pas, bah, peut-être qu'il fabrique des couteaux parce que ça aurait pu être dans Qu'est-ce la que j'aimerais? même Ce serait tellement fun. Ah. Ouais, j'aimerais beaucoup, Ouais, des je fois. sais pas. C'est particulier, mais bon, peut-être, hein, peut-être Bah, dans un prochain confinement, tu t'y mettras. c'est pas ça, c'est juste, du coup, tu travailles la texture, tu peux travailler le bois, le cuir, tu peux travailler le Ah oui, je métal, vois. du coup. Et c'est ça D'accord, qui est ouais. intéressant, la C'est très large. conception, réfléchir au ressort. C'est pas forcément, ça pourrait être tout un tas d'autres choses, mais juste le couteau a un côté pratique, un côté aussi sentimental un peu aussi. Enfin, voilà, c'est un Ouais, outil qu'on utilise d'accord. depuis la nuit des temps, au fond, donc Oui, ça t'intrigue beaucoup en voilà. tout cas, et du coup, oui, ça serait le talent ultime. Bon, bah, peut-être que tu vas t'y Pourquoi pas? Un jour. mettre. Alors, du coup, on va passer à notre quiz vrai faux. Là, ça fait 1 heure et demie, donc bon, on sera pas dans le timing de 1 heure et demie pour ce live qui a été très, très riche, je pense, et qui, du coup, est un peu plus Oui, long que la crème d'habitude. solaire, c'est ouf. Ah bah en fait ouais, c'est très très large. Entre le mécanisme du bronzage, les UV et du coup les protections solaires du marché, ouais, c'est assez large comme sujet. En tout cas, là j'ai 6 questions à te proposer et une bonus. Quelle note vises-tu, Steven? Je sais plus combien j'ai donné la dernière fois. Alors la dernière fois, je l'ai vu tout à l'heure, tu avais eu 6 sur 9. Tu visais 5. Ça dépend de Juliette, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que Non, mais Juliette je vais dire 4 parce est que je ne encore suis pas là? du tout calé en termes de crème solaire. Voilà. Bah déjà, ouais, 4 sur 7, ce serait pas mal. Juliette! Moi, en tout cas, je vise une note de 6 sur 6. Génial. Avec ou Ouais, anti-sèche? Avec ou sans c'est anti-sèche? ça. Il n'y a pas astrée là pour t'aider, Juliette. Et du coup, il y a 7 questions, puisqu'il y en a 6 plus une bonus. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à participer, c'est plus rigolo quand vous vous lancez. Le but, c'est qu'on en apprenne davantage sur le sujet. Première affirmation, vous me dites si c'est vrai ou faux. Les normes de calcul FPS, c'est d'appliquer l'équivalent de 6 cuillères à café de crème sur l'ensemble du corps et de 1 cuillère à café sur le visage. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Quelle quantité il faut appliquer pour que ça corresponde en fait à l'indice et à cette histoire de si je mets de l'indice 50, c'est que je suis protégée 50 fois plus longtemps que si j'en mettais pas. Qu'est-ce que tu en Tout à penses? fait. Est-ce que c'est possible 6 cuillères à café de crème sur l'ensemble du corps, 1 cuillère à café sur le visage? Ça m'a l'air possible, mais si on part du principe qu'on est habillé, enfin, le contexte est important, maillot de bain ou habillé. Enfin, ou Ouais. habillé pour randonner, par exemple. Ah. Bah, en tout cas, alors sinon, je dirais maillot de bain parce que tu vois, une sur le visage, et enfin en termes de proportion, une sur le visage, 6 sur le corps, puisque une sur le bras, une sur le bras, une sur le ventre, une dans le dos et une sur chaque jambe. D'accord. Bah, je sais pas ce qu'en disent les autres, mais moi je dirais que ça me paraît plausible quand même. Donc je dirais vrai. Pour toi, c'est vrai. Qu'en pense Juliette? Merci de Je vais participer. dire faux, je dirais qu'il en faut un peu plus. Plus encore, donc 1 cuillère à café remplie de la crème pour le visage. Écri-cri. Moi je dirais faux, je pense qu'il en faut plus que ça. Ouais. Eh bien, Steven, pourtant, c'est toi qui avais eu raison. C'est bien vrai. C'est ça. C'est ça la norme, voilà, pour obtenir un peu les mêmes conditions. Même si c'est impossible puisque ça ne sera jamais homogène, c'est 6 cuillères à café sur le corps, 1 cuillère à café sur le visage. Ça, c'est intéressant, je trouve, comme info, parce qu'en fait, oui, on n'a pas trop de notion hein, de la quantité à appliquer. Voilà, c'est ça. Ouais, une super info. Je me souviendrai. Alors, Juliette. Je pense qu'en fait, c'est pas cuillère à café, mais cuillère à soupe. Ah, j'avoue, ça aurait été drôle que je change comme ça. Non, c'était bien cuillère à café. Alors, deuxième affirmation. Pendant les vacances, pas besoin d'appliquer de crème hydratante sous la crème. Tu avais évoqué ce point pendant notre Oui. premier live. Vrai ou faux? Pendant les vacances, pas besoin d'appliquer de crème hydratante sous la crème solaire. Ben moi, je pense que c'est vrai, puisque certaines crèmes solaires sont quand même, enfin, qui assèchent pas mal la peau. Donc, je pense que Ouais. oui. Donc pour toi, pas besoin. Elle fait le job. La crème solaire. Ah Alors, non, non, attends. non, je Tu pense que dis non, elle vrai ou fait faux pas du assez le coup? job. Non, je pense que c'est faux. Donc, Enfin, c'est c'est pas faux parce qu'il faut nécessaire, appliquer. mais. Ouais, d'accord, je vois. Mais après, la Alors, formulation de la voyons question. voir. Oui, un petit peu. En tout cas, toi, tu penses qu'il faut appliquer une crème hydratante? Dans mon cas, il faudrait, oui. Ok. Donc, je vais répondre Est-ce oui, que. ouais. Non, du coup, désolé, tu réponds faux. Parce D'accord, que je réponds faux. pendant les vacances, pas besoin d'appliquer de crème solaire. C'est faux, toi, tu dis il y a besoin d'appliquer. Donc, tu dis faux. Ah oui, bon. Cri-cri. Je pense qu'il faut appliquer sa crème hydratante sous la crème solaire. Donc, même réponse que Steven. Voilà. Personne n'ose, ouais, on a besoin de reformuler Juliette. Je dirais faux. Je me demande si t'avais pas déjà répondu à cette question il y a longtemps. Ouais, c'est Oh. possible. Bon, ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais je vais dire faux. Bien joué à tous les trois. Tout à fait, il faut appliquer une crème hydratante sous la crème solaire. Ouais. En fait, déjà, la peau face au soleil va se déshydrater. En plus, apparemment, 1 heure d'exposition au soleil sans protection, ça fait baisser de moitié les antioxydants qui protègent la peau. Je rappelle que D'accord. les antioxydants, ça aide à lutter contre les radicaux libres qui s'accrochent à toutes nos bonnes cellules et les sacrifient. Bref, du coup, c'est vraiment important de redonner ce qu'il faut à la peau, au moins le soir, pour qu'elle soit assez nourrie et du coup capable en journée de lutter naturellement déjà contre les rayons. Et bien sûr, elle a absolument besoin d'être aidée par la protection solaire. Je crois que vous aurez compris que c'est la morale du jour. Donc, du coup, Steven, lors de notre live sur le stress, tu avais raconté un moment où tu avais été un peu brûlée au niveau du visage à cause de la crème que tu avais appliquée avant l'exposition et avant ta crème solaire, hein, c'est ça? C'est ça, j'ai d'ailleurs rebouclé un peu avec mère qui du coup a bien l'historique. Ce n'était pas vraiment une Oui. crème hydratante, apparemment c'était Ah. une crème plus médicament et je crois que ça Ouais. s'appelait Econazole, un truc comme ça. Ah, Et ça en sonne fait, médicament, c'est vrai. ouais, et il s'avère que cette crème-là, on l'utilise pour soigner un petit peu les eczémas, voilà, les peaux un petit peu, voilà. Et notamment, ça fait un lien avec le microbiote, puisque du coup, quand on est stressé, le microbiote est un peu perturbé, puisque le pH de la peau peut se modifier. Ah Et oui. dans mon cas, ça ne loupe jamais. Et du coup, j'ai Ah. refait l'expérience il y a 2, 3 semaines, je crois. Mon médecin m'avait re-prescrit cette crème-là, et ça m'a brûlé la peau au lieu de me soigner. C'est juste, D'accord. apparemment, ça ne passe pas, c'est pas la bonne crème pour moi. Ah ouais, La je vois. solution reste D'accord. l'homéoplasmine. Oui, ouais, c'était ça ton produit Ah phare, je ouais. me souviens bien. Ouais, ça restera, je pense. Ouais, bah du coup ça nous permet de faire voilà un petit de revenir un peu sur ce qu'on avait pu tirer comme leçon de ton anecdote. La crème hydratante, c'est pas ça qui va faire brûler la peau au soleil sous la crème solaire, pas du tout. Vous pouvez même utiliser une huile végétale pour nourrir votre peau et ensuite appliquer votre crème solaire. Il y a un peu une légende qui vous ferez penser que une huile végétale Oui. va attirer le soleil et faire brûler, parce qu'on pense un peu à tout ce qui est poêle à frire, où on met de l'huile voilà, brûlante et De cuisson. ça voilà exactement et ça brûle l'aliment. Mais là c'est pas pareil parce que l'huile elle va pénétrer et elle va nourrir la peau, et s'il y a une crème solaire par-dessus, bah il n'y a pas de souci, ensuite la crème solaire et ses filtres solaires vont faire le travail de Alors, filtre solaire du coup. j'ai juste une petite question. Est-ce que ça marche aussi pour les filtres chimiques qui pénètrent la peau, du coup? Ouais, tout à fait. En Ouais, fait, ok. finalement, l'huile végétale, ça va juste apporter une. Tu dis ça parce que souvent, une huile végétale, ça va peut-être un peu rester en surface. C'est par rapport à C'est ça. ça. Ouais. Alors, il faut, par contre, c'est vrai, il faut bien la faire pénétrer d'abord. Le but, c'est d'appliquer la quantité suffisante pour que, enfin, pas trop importante pour que ça pénètre la peau. Ouais, et C'est puis vrai que bien si on massé, laissait, j'imagine. comment? Et puis bien massé. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ou attendre, parce que finalement, si tu attends, bah, la peau boit le produit, hein, forcément, avec le temps. Mais si tu masses, tu vas accélérer le processus pour pas attendre trop longtemps avant d'appliquer la crème solaire. Mais en tout cas, ouais, pas de souci, une fois que l'huile est entrée dans la peau, une crème solaire, même à filtre chimique, du coup, va être compatible. Et il y a même, figure-toi, certaines huiles végétales qui apparemment absorbe naturellement un peu les UV, l'huile végétale de sésame, le beurre de karité, donc ça c'est pas une huile mais c'est aussi un corps gras, l'huile végétale D'accord. de macadamia, l'huile végétale d'argan. Ça veut pas dire que ce sont de réels filtres solaires au sens du règlement européen qui permet de dire que c'est un écran solaire, mais ce sont des huiles qui participent au bon fonctionnement, au bon mécanisme de bronzage, de protection naturelle de la peau. Et du coup, c'est idéal de les appliquer, pourquoi pas, avant une crème solaire. Autre D'accord, petit point, ouais, ça c'est, c'est ouais, bien que tu tu en t'es parles. étonné. Bah oui, parce Ouais. que il y avait un vendeur qui m'en avait parlé en me vendant un produit que j'ai d'ailleurs acheté, mais je D'accord. n'y avais pas du tout cru à ce côté, Ah. un peu protecteur. Ah oui, je vois. Mais Ouais, ça effectivement, va au moins ok. aider la peau, en fait, ça contribue à lui donner ce qu'il faut pour qu'elle fasse son travail naturel de mécanisme de protection d'elle-même, quoi, de bronzage et tout. D'accord, Et un ok. autre point auquel on ne pense pas, moi-même, je ne l'avais pas forcément en tête, il faut absolument démaquiller une crème solaire le soir. Alors, en tant Oh. qu'homme, ça te paraît peut-être encore plus Lunaire, ouais. farfelu. Voilà. Le mieux, en fait, c'est la technique du double nettoyage. Bon, alors, en tant qu'homme, le mot démaquillage, déjà, tu te dis, bah, ça ne me concerne pas. Mais le simple fait de nettoyer, c'est ça qu'il faut, parce que sinon, la protection solaire, elle laisse un film gras sur ta peau. Et pour D'accord. peu que tu appliques ensuite ton homéoplasmine le soir, les actifs ne peuvent pas pénétrer ta peau, parce qu'il y a ce film entre les deux, tu vois. D'accord, bah ça marche, je m'en souviendrai. Et du coup, pour ceux ou celles du coup qui sont plus à l'aise avec l'idée de se démaquiller longuement, le mieux c'est la technique du double nettoyage, parce que d'abord vous allez appliquer une huile démaquillante, par exemple, c'est un corps gras et ça va capter tous les corps gras de la crème solaire, et ensuite un savon doux, pourquoi pas, pour bien nettoyer, par faire le nettoyage du coup de votre peau. Tu nous diras, tu me diras si tu suis ce conseil. Oui, bien sûr. Ouais, je te tiendrai au courant. Alors, troisième affirmation, le meilleur conseil à donner, c'est d'acheter une crème solaire sur laquelle c'est écrit écran total, parce que là, au moins, ça protège à 100%. Vrai ou faux? Je sais pas. Je dirais faux. Je pense que c'est un terme marketing parce que ne serait-ce que sur la crème que j'ai là dans les mains, bah, il n'y a pas marqué écran total. Chers auditeurs, est-ce que ça vous inspire? Qui on a encore? On a Juliette, Cricri, Élie, Claire, Marie, Sophie, Sourire, bonsoir Gamèche, Leroux, Rise and Shine, bonsoir Rise and Shine, et Reine des cartes, bonsoir à tous. Qu'en pensez-vous de cette affirmation? Est-ce que selon vous, le meilleur conseil à donner en termes de protection solaire, c'est de dire achète une crème solaire écran total, là ça te protège à 100%. Donc toi tu penses que c'est faux, est-ce que Juliette est Je d'accord? dirais faux parce que on peut pas être protégé à 100%. Oui! Waouh, Ah ouais, là là, et tout à là je fait. suis. Ah, Juliette, bravo! Cri-cri! Pour moi, l'invention écran total n'est pas suffisante. Ouais, c'est marketing à 200%. Sophie. Moi, j'aurais dit faux aussi. Ce Cri-cri. qui compte, c'est l'indice de protection. Ouais, Ouais. vous avez tous raison. En fait, c'est même interdit, hein, cette appellation. C'est une ancienne appellation qui aujourd'hui est interdite parce qu'elle est mensongère. Écran total, ça sous-entend qu'on a une protection totale et ça n'existe pas. Aucun écran solaire n'empêche tous les UV de passer, même le FPS 50. C'est pour ça qu'il faudrait de toute façon limiter l'exposition entre midi et 16h et ne pas s'allonger comme ça en plein soleil, essayer d'être un peu à l'ombre par moment, etc., pour que le corps reprenne ses esprits. Et c'est aussi pour ça qu'il faut réappliquer de la crème toutes les 2 heures ou après la baignade. Voilà, là je vous dis les règles, hein, qu'on entend tout le temps, mais c'est par rapport à ça du coup. Bien joué, D'ailleurs, ces Steven, règles-là déjà sont. 3. Ah bah Ouais. merci. D'ailleurs, ces règles-là sont mentionnées sur ma crème solaire, je tenais juste à le dire. Ah, donc ouais, il y a quand Comme même quoi. une bonne. Un bon étiquetage. Bah, de toute façon, elle avait, hein, les points en termes d'étiquetage. J'avais. Chers Ah. auditeurs, dites-nous quel produit vous utilisez pour vous protéger, parce que j'ai le tableau là de 60 millions de consommateurs qui a fait une étude sur les différentes protections solaires de grandes marques 50 et qui nous dévoile du coup si elles sont aussi protectrices qu'elles ne le prétendent, si elles sont bonnes pour la santé et bonnes pour l'environnement. Voilà. On passe Et à la si quatrième vous ne... information? C'est Ouais. ça. Et si vous ne vous protégez pas, il est temps de commencer. Ouais, tout à fait. Il n'est jamais trop tard pour pas endommager trop son capital solaire, pardon. Quatrième affirmation. Si on utilise... Ah, on a quelqu'un qui s'exprime. Rise and shine. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous, et j'espère que vous allez bien. Et Très bien. concernant la protection solaire Top. que j'utilise, pardon, c'est la Bioderma Photoderm Max SPF Ah! 50 plus, en espérant que ça marche. Elle est super Eh celle-là, ben, non? ouais, c'est dans le top 3. Si tu veux, tu peux aller regarder mon Instagram, beauté imaginée, très dubite entre les deux mots, pas d'accent. J'ai dessiné le top 3 et tu utilises la troisième, Bioderma, du coup. En revanche, donc une bonne, pardon, une bonne protection contre les UVA et les UVB, ça, pas de souci. En revanche, pour ce qui est de l'appréciation pour la santé, elle a la note de D quand ça va jusqu'à E. Et l'appréciation pour l'environnement est très bonne, en revanche. Donc voilà, il faut voir ce qu'on privilégie, on va dire. Mais c'est plutôt pas mal. Alors Eh du ouais. coup, quatrième affirmation. Si on utilise une crème solaire plus d'un an après son ouverture, elle peut être cancérigène. Vrai ou faux, Steven? C'est toi qui m'as évoqué ce point. Je Et suis oui, c'est allée ça. Alors, vérifier. moi, je pense que c'est faux. Mais je pense qu'en tout cas, les principes actifs qui sont composés, enfin, qui sont dans la crème, après, ça dépend si c'est un spray ou si c'est une crème tube, comme on peut avoir dans certains cas, doivent n'être pas très bons si déjà de base ils sont pas très bons pour la santé et voire même peut-être délétères si la date de péremption est passée ou alors si le tube est au moins ouvert depuis plus d'un an. Voilà. Alors, qu'en pensent nos auditeurs? Sont-ils d'accord avec toi pour cette affirmation que je répète? Si on utilise une crème solaire plus d'un an après son ouverture, elle peut être cancérigène. Cri-cri. Moi, je pense que c'est faux. Elle n'est plus efficace, mais elle n'est pas cancérigène. Juliette. Cancérigène, je pense pas, je dirais faux. Surtout que ça m'arrive d'utiliser des crèmes solaires que j'ai ouvertes longtemps avant, donc j'espère pas. Donc ça Ouais, te espérer. rassurerait. Bon, après, ça reste un risque hein, quand on parle de d'un Oui, ingrédient ou quoi bien sûr. cancérigène, c'est potentiellement à présence de risque et tout. Mais malheureusement, c'est vrai. Ça dépend desquels. D'accord. Mais il y a certains ingrédients apparemment comme, tenez-vous bien, l'octocrylène. Donc là, c'est un filtre organique, c'est-à-dire que il pénètre dans la peau puis transforme le rayon en chaleur. Il peut Ouais. devenir cancérigène après un an de vie quand il se dégrade, en fait. Donc c'est pour ça qu'en matière solaire, dans l'ensemble, le mieux, c'est de respecter les dates de péremption préconisées, parce que selon les filtres utilisés, il n'y a pas les mêmes incidences et de toute façon, ils vont perdre leur efficacité. Donc, à quoi bon? D'accord. Ah ouais. Donc, je suis très étonné. Et tu pourras dire à la personne qui t'avait évoqué ça que elle avait Que bien c'est raison. vrai. Et ouais, comme Ouais, quoi. c'est vrai que comme ça, c'est un peu inquiétant. Maintenant, c'est pas toutes les crèmes, hein, encore une fois, mais il y en a. Donc, en tout cas, Ouais, après la vaut saison, mieux. on jette sa crème solaire, en fait. Même si Parce elle qu'on a peut coûté plus se 30 fier à euros. l'indice. Oui, c'est ça. Bah, il faut, ça pousse à utiliser l'intégralité de sa crème. Exactement. Ouais. Déjà l'acheter en Et début juillet, comme ça, voilà. oui, c'est vrai. C'est plus pertinent. Tu veux dire que je n'ai pas été très maline Non. en achetant la Water Lover ce 2 Mais août? non, voyons. Non, mais je compte l'utiliser intégralement. De toute façon, c'est 200 millilitres. En vrai, c'est pas immense hein, comme C'est vrai, ça flacon. part Donc, vite. je vais essayer. Puis, il y a tout le mois de septembre. Qu'est-ce qui fait beau en région parisienne? Je pourrais vraiment cliquer à Bah loisir. oui, bien Alors, sûr. Bien Juliette. sûr. Je vais peut-être faire un tri dans mes crèmes solaires, du coup. Ah, bien, Ouais. Juliette. Alors, Ouais. cinquième affirmation. Donc là, c'est ta première erreur, hein, Steven. Tu as eu 3 sur 4 pour le moment. Aïe, aïe, aïe. L'après-soleil au retour des vacances. Après les vacances, quand on arrête l'exposition, il vaut mieux hydrater sa peau au maximum. Vrai ou faux? Je pense qu'il faut faire comme d'habitude et pas forcément plus hydraté. Mais bon, si tu poses la question, c'est qu'il doit y avoir détérioration des cellules, j'imagine. Donc, ouais, vaut peut-être mieux être plus insistant sur l'hydratation. Je pense que c'est. Ouais. Ouais. Donc, je Ça dirais vrai, ouais. se tient. Alors, cri-cri, Juliette. C'est vrai pour moi. Donc, cri-cri est d'accord avec toi, Juliette. Ouais, je veux dire que c'est vrai. Oh là là, mais Juliette, deuxième bon Ça y est, feeling. elle a Tout pris à son élan fait. depuis la dernière fois. Mais oui, il suffisait ouais, d'une première bonne, d'un premier bon score pour après être lancé. Bien joué, Steven, c'est ça. Comme tu disais, les cellules se détériorent. Donc, le soleil assèche la peau. Elle a donc besoin de rattraper toute l'eau qu'elle a perdue, notamment. Pendant les vacances, quand on s'expose régulièrement, on a donc la peau qui change de couleur. On l'a dit, c'est une protection naturelle. Elle s'épaissit aussi pour se protéger des rayons. Et du coup, le sébum qui est sécrété par les glandes sébacées peut avoir tendance à rester un peu coincé sous les différentes couches de l'épiderme, puisque là, il y a plus de couches de Ouais. l'épiderme pour épaissir la peau. Donc, il y a un effet rebond. Quand on rentre de vacances, la peau, si on avait un peu tendance à avoir des boutons, peut, lorsqu'elle s'affine à nouveau, ressortir en plus des boutons. Donc, tout ça pour dire qu'il faut particulièrement faire attention à sa peau, quand on revient de vacances, l'hydrater déjà, et aussi si on est sujet aux boutons, pourquoi pas la gommer 2 fois par semaine, parce que le fait de gommer avec un gommage doux, ça va aider à retirer les couches de cellules mortes à la surface de cet épiderme, et comme ça, les boutons ne vont pas disparaître, hein, mais ils vont au moins, peut-être ça va durer un peu moins longtemps en fait. Ils vont ressortir, entre guillemets, plus vite et au moins on sera débarrassé plus vite de cette période. Et en gommant, il ne faut pas croire que du coup on fait disparaître le bronzage parce que quand on gomme, ce qu'on retire, c'est tout ce qui est cellules mortes à la surface et ça aide à faire ensuite, entre guillemets, respirer les couches du dessous et ça permet que les actifs qu'on s'applique ensuite pénètrent mieux, etc. Donc, qu'il y ait plus d'échanges aussi avec l'extérieur. Donc, le mieux, c'est de gommer pour avoir en plus un bronzage moins terne parce que c'est le risque quand on gomme pas. Si on garde ces cellules mortes à la surface de la peau, c'est pas très joli comme expression, mais c'est le renouvellement naturel de la peau, Yes. en fait, de l'épiderme. Donc, voilà. Un peu de gommage et du coup beaucoup d'hydratation parce que quand on gomme, on enlève quand même des cellules. Donc la peau est un peu plus à vif, elle a besoin d'être bien hydratée. C'est un Yes. joli score déjà. Tu es à 4 sur 5, donc déjà tu as atteint ton objectif. Parfait. On passe à la sixième affirmation, donc avant-dernière. Le coup de soleil est forcément instantané sur la peau. Vrai ou faux? Je pense pas que ce soit instantané. Je pense qu'il vient. Je pense que c'est une réaction inflammatoire due à l'agression du soleil. Mais genre, j'en sais rien. Bien. Non, mais je pense pas qu'il soit instantané. Donc je dirais faux. Alors, faux Sinon, pour toi. sinon ma compagne, elle serait brûlée tout le temps. Ce serait l'enfer. Ouais. Alors. On va voir si Juliette est Non, je vais dire d'accord. faux. Il vient pas direct comme ça. Il met un peu de temps à arriver quand même. Ouais, tout à fait, vous avez raison. En fait, le pic du coup de soleil, c'est 24 heures après l'exposition. C'est là que l'inflammation est D'accord. la plus importante. Ok. Ça Et marche. parallèlement, le bronzage, lui, il survient réellement 48 heures après l'exposition. Ça, on ne l'a pas toujours en tête. Ouais. D'accord, Le donc vrai quand bronzage tu qui te consiste à bronzes, avoir plus de ouais. mélanine. D'accord, donc ça ouais, tout prend du temps au final. Après, c'est vrai Ouais, c'est que ça. c'est quand même un organe qui s'adapte assez vite. Oui, en soi, c'est pas énorme de jours pour le bronzage. Ce qu'il faut imaginer, c'est que comme la peau doit s'épaissir et créer des grains de mélanine supplémentaires, il faut le temps que les couches de l'épiderme soit renouvelé. Donc tout ça prend forcément du temps. Ouais. Et en fait, un coup de soleil, c'est comme tu disais, une inflammation, c'est les cellules de la peau qui sont endommagées par les rayons. Elles libèrent alors apparemment des substances chimiques et là, il y a inflammation. D'accord, donc c'est vraiment une inflammation, quoi. C'est Ouais, c'est ok. vraiment mauvais. Et ouais, c'est. Du coup, c'est la question bonus maintenant, parce que la dernière fois, lors du live sur le microbiote, on avait évoqué, et d'ailleurs, c'est toi qui avais évoqué ce point, c'était tout ce qui était gants de toilette. Est-ce que le gant de toilette permet une bonne hygiène saine de la peau? Et ben en fait, avec tout ce qu'on s'est dit, enfin tout ce qui a été dit la dernière fois, je pense que pas forcément. Moi, c'est vrai que j'ai été éduqué à me laver avec un gant de toilette, mais avec le recul, je préfère utiliser d'autres choses maintenant, un peu comme vous savez, les sortes de gants en boule, là, comme ça, beaucoup moins abrasifs, ou alors des gants qui sont très très doux. Ah oui, ça Et donc, s'appelle les du coup, je fleurs les de change douche. souvent. Voilà, c'est ça. Et du coup, je les change souvent. Donc, je dirais que c'est faux, Est-ce que si j'ai bien suivi la Cricri est question. d'accord? Je pense que c'est faux. Moi, j'aime bien, mais j'entends souvent que c'est pas très hygiénique. Ouais, Et Juliette? il faut vraiment changer Moi, ça. je dirais que non. Enfin, je me rappelle plus exactement de la formulation de la question, mais genre, c'est plutôt négatif, quoi. Ouais, négatif. C'est ça. Bravo encore à tous les trois. Tout Ouais. à fait. Les fleurs de douche, du coup, que tu évoquais, c'est mieux. Le problème du gant de toilette, c'est que souvent, il va mettre un peu de temps à sécher. Et ça, c'est le terrain de jeu idéal pour tout ce qui est micro-organisme. Donc, certes, on a un microbiote à la surface de la peau. On a besoin, on l'avait dit dans le live la dernière fois, on a besoin de cet équilibre de bonnes bactéries, moins bonnes bactéries. Mais dans un gant de toilette comme ça, hors de notre corps, on va plutôt avoir les mauvaises bactéries qui vont proliférer et sans aucun lien avec le pH de notre peau ou quoi. Donc, une fois qu'on va le réappliquer, il risque d'être vraiment très, très, enfin, plein, plein de germes en fait. Juliette? Ouais, bien sûr. Ok, alors j'ai eu 5 sur 7. Sans tricher, sans aide, sans complice. Voilà. Bravo! Franchement, bien joué, hein. Bien joué, Juliette. Ouais. Ah, là, en fait, ça t'a motivé, tu t'es bien concentré. Et pourtant, tu n'avais pas de crème solaire sous la main, tu m'as dit. Mais ça veut dire que tu as été bien éduqué dans le bon sens par rapport à la crème solaire. Félicitations. Et Steven, 6 sur 7. Excellent. C'est une bonne note, hein. Merci. Ah ouais, C'est bien. franchement, je suis content. Ouais, c'est très bien. Et juste pour finir, du coup, sur ce gant de toilette, les dermatologues, du coup, ne le recommandent pas à cause de la prolifération bactérienne d'une part, mais aussi parce que il serait abrasif pour la peau. Alors que la fleur de douche, qui est en nylon, a un côté déjà aéré qui permet une bonne, enfin, moins de prolifération bactérienne de micro-organismes. Et en plus, elle ne serait pas irritante. Voilà. Et une autre possibilité, c'est l'éponge Conjac. Je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. C'est une éponge qui, au départ, est très dure. Ça vient de Corée du Sud. Donc, c'est une matière, le Conjac, c'est une racine, si je ne me trompe pas. Au départ, elle est complètement sèche et en l'humidifiant, elle devient toute. Douce en fait, et là ça permet une application douce du coup de la peau. Et l'avantage c'est qu'ensuite elle sèche très vite et elle devient dure comme du pain rassis quoi. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de prolifération bactérienne possible, pas d'eau, pas de bactéries. Ok, bah ça marche, c'est noté. Alors, du coup, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, je vous conseille de regarder pourquoi pas. Premium Beauty News, ça c'est un magazine en ligne. Le magazine, du coup, 60 millions de consommateurs, très, très instructif. Le site de la FEBEA, ça c'est les syndicats du secteur cosmétique. Ou le blog Anatomie des cosmétiques aussi pour des conseils. Et ça y est, c'est la fin de notre live stéréo beauté imaginée sur la protection solaire. J'espère que ça vous a donné des pistes pour mieux protéger votre peau. Quelle info t'as le plus, t'as la plus marquée du coup? Non, t'as le plus marqué, pardon, dans le vrai faux, Steven. Dans le vrai faux, je pense que c'est la formation sur la partie cancer, si on utilise un tube périmé ou pas. Ah oui. Mais soit dit en passant, tout ce live est très intéressant sur l'utilisation de la crème solaire. Ah bah, super, je suis contente, Très très Steven. complet. Bien T'as joué. appris des trucs. Merci, merci. C'était le dernier de la saison, entre guillemets, estivale. en plus. Donc, ça tombe bien pour clôturer, pour vous souhaiter de bonnes vacances et tout ça. En tout cas, fin août, on a quand même un petit live de programmé avec Maman Soso. Beauté 10 jours avant d'accoucher, sauf si son bébé a en fait prévu de venir la rencontrer plus tôt. Donc ça, on ne le saura que prochainement. On a un petit audio de cri-cri. Merci, j'ai aussi appris beaucoup de choses, surtout à l'approche des vacances. Merci Cricri, merci beaucoup d'avoir participé. Du coup, tu penses quoi, Steven, de ce thème beauté 10 jours avant d'accoucher? Bah, il a l'air super intéressant. Puis j'ai hâte de voir, enfin, d'entendre du moins tout ce qui sera dit. Eh ben super. C'est vrai que on peut imaginer que 10 jours avant la date d'accouchement, on n'a pas forcément la tête et l'énergie de Tout à se fait. pouponner, etc. Donc, Maman Soso peut-être pourra nous en dire davantage, nous dire ce qu'elle arrive à faire, ce qu'elle laisse pour plus tard aussi. Merci beaucoup, Steven, de m'avoir accompagné et Merci, répondu dans Alice. ce dernier live. C'était bien cool. Tu as bien donné tes anecdotes et tout. Tu as bien joué le jeu de la transparence, du coup, qu'on demande aux marques de jouer aussi. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé mon bel invité à nouveau, puisqu'on avait déjà eu quelques informations. Si vous voulez un soir être mon invité, faites-moi signe sur Instagram. Pareil, si vous avez une idée de thème, pourquoi pas. Mon compte, donc, c'est Beauté Imaginée sans accent, avec le tiret du 8 entre les deux mots. Et on a Juliette qui conclut. Merci pour ce live. Bonne soirée, à bientôt. À Merci bientôt, Juliette et Juliette. bravo. Ouais, encore bravo. Eh bien, je vous souhaite un bon mois d'août du coup. Je tâcherai moi de suivre les conseils de ce soir pendant mes vacances. Et à bientôt de toute façon pour un prochain live de beauté imaginée. À Salut bientôt. Steven, à Salut bientôt. Alice, à bientôt tout le monde. Merci.